adore Party Fun, adore les Pagadix. Et les Pagadix, du coup, réservent tous leurs nouveaux morceaux aux auditeurs de Fun Radio dans le Before Party Fun. À l'instant, le nouveau titre de Pagadix dans le Before Party Fun s'appelle Stronger. Voilà, je viens de mettre un petit tweet aux Pagadix. Ils vont nous retweeter parce qu'ils nous adorent. Adrien, donc, tu reviens à minuit ce soir pour Party Fun. Tout à l'heure, Party Fun à minuit avec le nouveau Don Diablo et Steve Aoki. Il y aura aussi un remix de DJ Snake. Et voilà, rendez-vous donc tout à l'heure. Avant ça, Love in Fun. Voilà. Ah, le moment que j'attendais. Alors, comment ça va? Ah bah ça va bien. Vous savez que demain, on va passer quelques heures ensemble, puisqu'il y a la conférence de presse de rentrée de Fun Radio. Absolument. D'ailleurs, il y a un hashtag, si on veut nous poser des questions, c'est AskLoveInFun sur Twitter. Donc demain, à partir de 10h, c'est ça, vous êtes en live tweet. C'est ça. Et après, on fait des photos et tout, et donc il y aura Karel et Adrien Thomas qui seront en... en chemise et en veste et en costard. Mais attends, je suis là aussi, là, l'autre. Et le Doc. Ouais, mais non, le mais attends, c'est qui ce mec? Doc, t'es tout le monde. Comment il s'appelle Où est-ce qu'il se croit, là? Doc, il est toujours en costard. Alors que t'as vu comme il se rattrape en branche? Il m'oublie, le mec, il m'oublie. Non, mais t'es il toujours vient en costard. Que je suis... Non, mais attends, c'est qui, lui, là? Et moi, je vous laisse vous fighter. Hein. Non, bon, allez. On sera là, on sera là demain. Là, oui, tous les deux. On sera tous en costard. En blanc, noir et noir. Sauf Alice. Alice, elle sera. Qui sera nue. Je serai la caution couleur, un peu. Feront le buzz. Alice sera nue à la conférence de presse demain. Ouais, super. Eh ben, rendez-vous demain pour une bonne journée. Avec des photos dans tous les sens qu'on vous postera sur les réseaux sociaux. Salut. Salut, copain. Ciao, ciao. Dans un monde rempli de problèmes et de crises, les forces de l'ordre prennent la menace au sérieux, ajoutant encore à la peur. Dans un monde où les vacances ne sont plus qu'un lointain souvenir. Interro surprise! Tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Eh oh, eh, ça va, monsieur Déprime, là? Tu sais qu'il y a Love in Fun pour trouver des solutions à tout ça. Tu veux parler? T'as besoin d'aide? Tu veux pousser un coup de gueule? Tu veux délirer avec nous tous les soirs? Ah ouais, grave. Et c'est quand? Ce soir. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. On est là, bien sûr, tous les soirs en pleine forme. Et très content de vous retrouver. C'est un vrai kiff de faire de la radio avec vous tous les du soirs. Du plaisir, je dis, moi. Bah ouais, c'est ça. Oui, du kiff, du plaisir, Doc. Bien sûr, content de vous retrouver, en tout cas, pour passer la soirée avec vous. Vous avez sûrement des trucs à dire. Et nous, on va tout écouter, vous conseiller toute la soirée. C'est une vraie libre antenne qu'on fait tous les soirs sur Fun Radio. Le numéro de téléphone, 01 42 48 5000. Tous les soirs, 20h, 22h, Love in Fun sur Fun Radio. Je m'appelle Karel. Doc, salut, salut à toutes et à tous. Ah, t'es toujours en costard, Doc? Non, pas toujours, mais tu parles que je suis à poil non plus, non? Ah non, ou alors tu pourras adopter le style de Godefroy à l'aria avec une petite casquette à l'envers et tout, tu c'est vois. C'est pas sûr. Non, ça non te... ça, je crois pas. Oh, pour la vanne, ça pourrait être sympa. Une fois peut-être, je le ferai. Alice est avec nous, c'est. Salut. C'est une bombe, Alice. Hein, oh, moi, je suis impatiente d'être demain et d'avoir deux beaux mâles en costard à mon bras. Enfin, ça va être quelque chose. Voilà, voilà. Alors, oui. Oh, c'est Katoche, ta copine qui va être jalouse. Alors, non, mais elle pas jalouse. Mais non, je ne lui volerai pas, bien sûr. Ah, ça, j'en doute pas. Bah oui. Sinon, elle te défait la tête, je te le dis. Y a un mec... Oh, bah non, t'en fais pas. Y a un mec, t'imagines Alice et Katoche qui se fritent. Je la défonce. Ah, ouais. Non, elle était morte. C'est la copine. Avant même d'avoir parlé, t'es morte. C'est la copine de Doc. Je rappelle d'ailleurs qu'il va bientôt se marier. Il a annoncé sur Fun Radio, c'est la grande nouvelle. Exact. Je parle à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, là, peut-être, voilà, qui débarquent sur Fun Radio, là, à l'instant, et qui découvrent l'émission. Bienvenue. Restez, vous allez voir, c'est plutôt sympa ici. On parle de tout. Il y a même un mec un peu chelou, des fois, qui dit des trucs chelous. C'est Cassim. Ouais, Cassim, notre producteur. Emmerdez pas, je suis en train de bouffer, là. Ok, d'accord. Le mec mange à 20h. Ça va, t'as les. Ouais, tranquille. Je vais mettre le JT. D'accord, ok, d'accord. Le gars est un fantôme dans cette émission. Au standard Cindy et Guillaume, bien sûr. Les plus beaux, hein, de cette émission. Ah, ça. Ouais, ils ont le nez dans le guidon là, je les vois. Ah bah oui, d'ailleurs, on va tout de suite accueillir notre auditeur du soir, Maxence. Bonsoir Maxence. Salut Maxence. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Maxence. Tu sais que les autres radios auraient adoré nous piquer l'idée, hein. Mais c'est nous qui l'avons eu. Tu vas être notre auditeur pendant toute la soirée. On fait ça depuis la rentrée. Ça veut dire que ces deux heures d'émission, bah, tu vas les passer avec nous. T'es prêt, Maxence? Ouais, je suis prêt. T'es chaud? tu fais un peu de radio ou pas, toi? Ouais, c'est de la radio. D'accord, bah tu nous diras ta radio. C'est pas une obligation d'ailleurs, tout le monde peut faire l'auditeur du soir. Bah oui, bien sûr. Voilà, vous venez tout simplement comme vous êtes. Il faut avoir la patate, hein. Ah ouais, bah ouais, quand même. Ah sinon, on va se faire chier. Ouais. Ça c'est clair. Maxence, on accueille notre première auditrice? Eh ben, ça marche. Eh ben, elle s'appelle Fanny. Bonsoir ma Fanny. Bonsoir l'équipe, vous allez bien? Fanny. Ça va bien Fanny, tu viens de nous appeler là au standard 01 42 48 5000. T'as 22 ans, t'es à Lille. Qu'est-ce qui t'amène dans le Vin Fun, toi? Bah en fait, je venais pour vous raconter ma grosse galère d'aujourd'hui. À la loose. Oui. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, je devais prendre le métro pour un entretien d'embauche assez important. Ouais. Et en fait, y avait des stations de radio et tout. Et du coup, moi, je me dis, bon, je vais fermer les yeux 5 minutes, le temps d'arriver à la station de radio, à la station. Ouais. Et en fait, je me suis endormie. Et il y a un passager qui est venu pour me secouer le bras au terminus, en fait. Il n'y avait pas d'embauche au terminus. Oui, c'était le métro à Lille, c'est ça? Ouais, c'était le métro à Lille, ouais. D'accord, tu t'es retrouvé à combien de bornes du truc? Oh, environ 5-6 kilomètres. Ah ouais, tranquille. Alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Ça arrive, ça. J'ai appelé pour m'excuser, dire que je serais en retard. J'ai inventé une excuse bidon. Je n'allais pas dire, excusez-moi, je me suis endormie dans le métro. Oui, ils ont accepté? Ils m'ont dit que j'étais pas toute seule pour un entretien aujourd'hui, du coup ils me rappelleraient si j'avais un créneau dans la semaine, mais c'était pas sûr. Ah bah t'en auras pas, à mon avis. Hein. Ah ouais, non. Il faut. Non mais voilà, pourquoi t'étais fatiguée comme ça? J'étais sortie tout le week-end, du coup la meilleure idée que j'ai pu avoir. Non. Quel est ton boulot, ton métier, c'est quoi? C'était pour un job étudiant de serveuse, en fait. Ah okay. D'accord, c'est pas cool. Fanny, tu sais quoi? C'est que c'est le destin, quelque part. Tu vas trouver mieux. Bah oui. C'est surtout la fatigue, là, je pense, plutôt que le destin. Ouais. Alors, t'es pas la seule à qui c'est arrivé, hein. Dites-nous, ça vous est déjà arrivé de vous endormir comme ça dans un endroit et vous t'imagines quand tu t'endors dans un train qui fait, je sais pas, moi, Paris, Italie, tu vois. Là, c'est chaud. Tu dois t'arrêter, je sais pas, du côté de Grenoble et tout, et tu te retrouves en Italie, quoi, comme un con. Je suis sûr que c'est arrivé, là, quelqu'un d'entre vous, pas parmi vous, là, tous ceux qui nous écoutaient, là. Dites-nous si vous êtes arrivé comme ça, une grosse, grosse galère. Ma Fanny, en attendant, cette petite histoire, elle te permet de repartir avec ton pack Love in Fun. Ah, c'est cool. Merci. Finalement, la journée est pas si pourrie. Hein? Ouais, ça va, ça améliore. Il n'y a pas d'embauche ici pour toi, désolé. Doc, attends. Envoie quand même un CV avec une photo. Surtout la photo, hein. Surtout la photo, t'inquiète pas, je fais ça. C'est le plus important, ma Fanny. Gros bisous, ma chérie. Bisous à vous. Salut à toi. Et Clément est avec nous. Clément, 21 ans de Fontainebleau, ça cartonne au standard. Hein. 01 42 48 5000 pour passer sur l'antenne. Et si jamais ça sonne occupé, vous pouvez continuer. N'hésitez pas aussi à envoyer des petits mails. Hein. loveinfun@funradio.fr. T'es là, Clément? Salut. Salut, Clément. Salut Alice. Salut, Clément. T'appelles pourquoi? Moi, j'appelle parce que je voudrais avoir des conseils pour faire l'amour pendant les règles. Ah, voilà, bien sûr. Yama. Ah oui, les rivières pourpres, comme on appelle ça par chez moi. Mais il n'y a pas de règles, d'ailleurs. On va en parler, je trouve ça dégueulasse, moi, quand même. Chacun trouve ça comme il veut. Alice aime ça, on en parle après Jonas Blue sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no game. Who knows the secret tomorrow we'll hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Baby, we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Jonas Blue sur Fun Radio, Perfect Strangers. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0142 48 5000. Sur Fun Radio. Tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio. Et Clément est avec nous là au standard. 0142 48 5000. Clément, 21 ans, de Fontainebleau. Bonsoir Clément. Salut. Salut Karel, salut Alice, salut le Doc. Salut. Salut. Clément, t'appelles pourquoi toi? J'appelle pour parce que je voudrais des conseils pour faire l'amour pendant les règles. Qu'est-ce qui est d'accord. Donc t'as une copine? Oui, j'ai une copine, oui. Et de temps en temps, elle a ses règles, comme toutes les filles. Oui, et tu veux absolument avoir des rapports, comme même Alice. Pendant les règles. Alice, en ce moment aussi, elle a ses règles. Oui. Mais quel conseil tu veux? Parce que tu veux savoir comment ça se passe, ce que ça donne C'est plus ma compagne qui voudrait que je fasse l'amour pendant les règles. Mais je voudrais savoir... Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Non, mais parce que maman, à partir du moment où elle a ses règles, effectivement, c'est des règles de privation. Et puis après, évidemment, le cycle hormonal réapparaît. Et là, on peut avoir effectivement une libido qui augmente. Donc, quand on a ses règles, on peut être très, très excité, en fait. Ça peut arriver. Ah, mais pour ça. Des conseils. Oui, tu vas avoir quelques sécrétions rouges sur la verge. Oh non. Si. C'est bizarre. Hein, Et ça part à l'eau. Surtout à l'heure du repas, comme ça, à 20h. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il y a pas. Si vous mangez des lasagnes, bon courage. Je voulais savoir s'il n'y avait pas de danger, s'il n'y avait rien, si... Il n'y a rien. Il est certain que si une fille est séropositive, elle va être très contagieuse si elle n'est pas soignée durant les règles, parce que c'est du sang. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas de danger particulier. Après, c'est une question de feeling, on va dire, des choses comme ça. Ouais. Alors si c'est... Je pense que quand on aime vraiment quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui peut gêner. Si on ne se tourne pas là-dessus, mais dans certains cas, je comprends qu'il y a des garçons qui pourraient être dégoûtés, oui. Alors après, ça arrive des fois, voilà, ta copine, elle est en fin de règle. En queue de règle. C'est en queue de règle, si tu dis, Doc. Mais sinon, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, je sais pas. Chacun fait ça, mais on va leur demander. Est-ce que vous trouvez ça dégueulasse ou pas? Dites-nous, justement, on a avec nous, c'est Maxence, c'est ça, Maxence, notre auditeur du soir. Il n'a peut-être jamais fait l'amour, lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxence? Alors, moi, je dirais plus que si la rivière coule rouge, il faut emprunter le chemin boueux. Elle est facile. Bien sûr. Elle est vieille. Alice, tu es une femme. Ouais. Il t'arrive parfois d'avoir tes règles. Est-ce que quand ton mec il a envie de faire l'amour avec toi, ça, c'est un truc qui peut te gêner, toi? Je suis d'accord avec Doc, quand on tient à quelqu'un, on s'en fout, mais quand on tient à ses draps, on s'en fout pas. Le vrai problème, j'allais évoquer ça. Voilà. Il faut une bonne haleine en plastique. Ça dépend des il y en a sur le matelas. Une serviette. Une serviette, ça transperce. Non, j'ai essayé une serviette une fois, ça a marché bien, Doc. Je te conseille de la laise en plastique en dessous. La laise en plastique. Mais c'est quoi une laise en plastique? C'est pour les enfants qui font pipi au lit pour pas abîmer le matelas. Donc faut vraiment avoir tout sous la main. Donc il faut. Tu ne déballes pas ton matelas, en fait. Attends, mais t'as ça dans ton cabinet, Doc? J'ai pas de lit là. Parce que j'imaginais que tu l'avais fait avec Katoche dans ton cabinet là. Ça y est, j'avais l'image. Non, pas sur la laise en tout cas. Valérie est avec nous. Bonsoir Valérie. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Valérie. Tu es de Perpignan, toi, Valérie? Oui, tout à fait. Tu fais l'amour quand t'as tes règles? Oui, et j'ai pas de frein par rapport à ça, quoi. Je veux dire. Mais lui non plus. C'est un cycle. Je veux dire, voilà, il y a pas de. Après, voilà, c'est au goût de chacun, hein. C'est pas non plus quelque chose de... Mais c'est une question d'aimer l'autre et les sécrétions de l'autre ne gênent pas quand on a vraiment de l'amour. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Mais lui, il est d'accord, donc. Mais forcément, il est toujours d'accord. Ah oui, puis ça tombe toujours mal. Ça le gêne pas, voilà. Après, on est en couple, on a un regard extérieur, à tout moins, c'est différent à ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis en train de me rendre compte d'un truc. Donc à chaque fois... Tout à fait raison, ce qu'il vient de dire est essentiel. Doc, on l'a entendu, mais à chaque fois que moi, on m'a dit « je peux pas, j'ai mes règles », c'était une connerie, en fait. C'est parce qu'elle n'avait pas envie. Ça, c'est l'excuse à deux balles. Je suis disposé. On l'a tous entendu, cette excuse. Tu l'as jamais utilisée, toi, Alice? Si, mais souvent, c'est réel, parce que des fois, quand c'est pour une première fois avec quelqu'un, c'est hors de question de le faire pendant tes périodes de règles, quoi. Forcément. Bon, et Clément, tu peux faire l'amour quand ta copine a ses règles, il y a pas de problème. Mais attention, au bain de sang. Mais attention, ça te dégoûte, toi, ou pas? Je sais pas, j'ai jamais essayé, à vrai dire. J'ai déjà eu d'autres compagnies et tout, et c'est la première fois qu'on me demande, c'est pour ça. Ça peut être un peu bizarre quand tu vas sortir. Moi, je te sens pas, le fais pas. Ça va briser un truc entre vous, ça s'entend. Tu verras, Clément. Non, pas s'il l'aime. Non, mais c'est au moment, de façon, de passer à l'acte que tu vas t'en rendre compte. En attendant, tu peux le faire. Voilà. D'accord, Clément? D'accord, je vous remercie, l'équipe. Y a pas de problème. Et Valérie, elle adore le faire. Ah, on l'a bien compris. Ouais. On...

Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Alors Antoine, cette reprise, pas trop fatigué ? Tu rigoles, une rentrée des clubs comme ça, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah c'est beau la jeunesse. Jusqu'au 25 septembre chez Sport 2000, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. 20h, 22h. Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio avec l'appel à l'aide. Hein, dans un instant, Alain qui va annoncer à ses grands-parents en fait qu'il est homosexuel, il a besoin d'aide. Justement, on va l'aider à l'annoncer. 01 42 48 5000, c'est votre émission chaque soir sur Fun Radio. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici. N'hésitez pas à nous appeler. On écoute aussi du pur son. Voici Coldplay, In for the Weekend sur Fun Radio. Play, In for the Weekend sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. Tous les soirs, on vous aide, vous le savez, avec l'appel à l'aide. Si rien ne va plus chez vous, il y a un gros malaise, gros problème et que vous voulez justement qu'on vous aide, on est là tous les soirs, chaque soir pour vous. Au standard de Love in Fun, 01 42 48 5000. Ce soir, c'est Alain qui nous appelle. Bonsoir Alain. Bonsoir Karel, le doc et toute l'équipe. Bonsoir Alain, salut. Tu nous appelles de Longwy et tu as besoin d'aide ce soir. C'est ça. Vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe, Alain ? Je suis gay et je voudrais l'annoncer à mon grand-père par moi-même parce que jusqu'à là, j'ai jamais fait moi. C'est toujours mon entourage qui a raconté à tout le monde. Et moi, je voudrais le faire moi. mais je ne sais pas comment faire. Eh ben on l'appelle. Je voudrais votre aide et l'aide du docteur. Bien sûr, mais je sais pas. Écoute, tu peux te préparer, mais on va appeler ton grand-père. Et puis, on va être là pour t'aider si jamais il le prend mal. Et il est comment, ton grand-père? Il est peut-être déjà un peu au courant, non? Parce que tu dis que ta famille, elle a déjà balancé le truc. Ouais, mais mon grand-père, on lui a pas dit, mais moi, je suis sûr qu'il le sait déjà. Il a quel âge? Comment j'agis et tout, je suis sûr qu'il le sait. Il a quel âge, papy? 80 bientôt. Il est en bonne santé, ça va? Ouais, il est en pleine santé, sauf il a un problème de cœur, mais ça va aller. Ah ben, on va peut-être pas l'appeler alors. Hein, on peut-être. Mais qui fait une crise cardiaque en direct. Non, Alain, ça, voilà, il s'en doute de toute façon. Donc je pense que voilà, c'est important pour toi de lui annoncer en fait. Alors, parce que je suis quand même en couple. Alors là, je veux lui annoncer. Ça fait un an que je suis en couple. Alors okay. Là, je veux faire le pas. Alors on va faire la chose suivante. On va l'appeler et si tu veux, tu veux qu'on lui parle en premier, on peut. Hein. Il est comment vis-à-vis des homosexuels? Il est un peu homophobe quand même. Il faut qu'il commence par là. On va lui parler. Doc va lui parler alors. Oui. Moi je veux pas avoir de problème. Sinon... Il s'appelle comment, papy? Charles. Bonsoir, d'accord. Charles. D'accord. Bon bah Doc, hein, tu sais parler aux grands-parents. Hein, bien oui, bien sûr. Je fais les maisons de retraite toutes les semaines. Allez, c'est parti. On appelle Charles tout de suite. J'espère qu'il va pas avoir de problème de cœur. Allô. Bonsoir Charles, vous allez bien? Oui. Voilà, je vous appelle, vous êtes en direct sur Fun Radio et je vous appelle de la part de votre petit-fils. Ok. Donc je voulais m'entretenir avec vous, vous êtes dans l'émission Love in Fun, il y a Karel qui est avec moi, il y a Alice. Bonsoir Charles. Et moi je m'appelle le doc, je suis médecin et donc votre petit-fils avait besoin qu'on s'entretienne avec vous parce qu'il a quelque chose à vous dire. Ah bon? Oui. Quelque chose qui est important pour lui. Mmh. Vous voyez quoi, non? Pas du tout. C'est un garçon que vous aimez beaucoup, n'est-ce pas? En principe, oui. Ok, voilà. Alors, il est avec nous aussi. Tu es là? Dis bonsoir, Alain. Bonsoir. Voilà. Alors, Alain voulait vous faire part de son orientation sexuelle. Ah bon? Oui. A priori, il est plutôt attiré par les hommes. Voilà. Ah bon? Voilà. Et bien sûr, il veut vous le dire parce que vous êtes important pour lui, très important pour lui. Alors, il avait peur de vous choquer, il avait peur de votre réaction. C'est pour cela qu'il nous a demandé de vous appeler pour l'aider à le dire. Bon. Janine, viens voir. Ah, c'est la grand-mère. C'est ta grand-mère, Alain. Oui, c'est ça. Janine. Ah. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Hein. Pour l'instant, il a besoin de Janine. Ça va être très mauvais. Ça sent pas bon, ça, Alain? Non, ça sent très mauvais. Allô, Charles? Charles. C'est Janine. Bonsoir Janine. Bonsoir Janine. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir Janine. Voilà, vous êtes en direct sur Fun Radio dans l'émission Love in Fun. Moi, je m'appelle le Doc. De quoi je suis... Bonsoir. Bonsoir Janine. Mais bonsoir de Janine. Quoi, Charles? Attendez, parce que vous parlez pas trop fort hein, avec le téléphone. Ah, vous êtes peut-être un peu sourde. Non, non, dis pas ça. Non, je suis pas sourde, mais je ne sais pas. Vous parlez pas trop fort. Alors, je vais parler Alors, plus allons-y. Fort. Donc voilà, votre petit-fils souhaitait qu'on vous appelle. Pour vous parler de son orientation sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Ah bah, ça veut dire qu'en fait, Alain préfère les garçons. Ah bon? Bah oui, mais tout le monde le savait, il paraît, non? Ah non, on ne le savait pas. Hein. Alors, comme tu disais, Doc, c'est important pour Alain. Oui, c'est très important pour Alain, parce qu'il vous aime beaucoup, votre petit-fils. Et il voulait... Nous aussi, on l'aime. Voilà. Mais que voulez-vous que je lui dise? Bon, Alain, vas-y, dis quelque chose à mamie. Bon, Alain, on n'apprécie pas trop ce qu'il vient de faire. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est le temps d'entendre la chose et après... Alors, vraiment pas du tout. Attendez, Alain, tu peux dire quelque chose à mamie? Que je l'aime énormément et mon grand-père aussi. Vous savez, il est très sensible, votre petit-fils, madame. Peut-être, mais c'est pas Alors, des choses faut... à faire. Hein. Il faut simplement que vous l'acceptiez comme ça, comme il est. On peut pas le tuer, hein, de toute façon. Non, j'espère pas, quand même. Alors, attends, peut-être hein. expliquer quelque chose. Janine, on va éviter d'assassiner son petit-fils, hein, bien sûr. Voilà. C'est surtout que quand on est homosexuel, parce qu'on dit, disons le mot, quand on est homosexuel, c'est pas une maladie, hein. C'est pas une maladie et c'est pas un choix. C'est comme ça. Il est homosexuel parce que la nature, on va dire, l'a fait comme ça. Peu importe. Vous comprenez? Bon, allez, écourtez un petit peu, s'il vous plaît. D'accord. Bon. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot à votre petit-fils à nouveau, qu'il vous entende, que vous l'aimez, tout simplement? Je vais lui dire que je l'aime, mais j'apprécie n'apprécient pas du tout ce qu'ils viennent faire. Voilà, c'est oui. tout. Bon, écoutez, oui, au revoir, Janine. Bientôt, Janine. Au revoir. Bon, effectivement, Alain, c'était un petit peu tendu. Non, je pense que mamie est un peu homophobe, donc elle, ouais. elle a du mal. C'est pas grave, c'est fait. Mais Alain. C'est. Moi, je crains ouais, surtout pour. Je crains surtout pour le grand-père. Ah ouais. Carrément, lui, vous voulez pas passé, plus hein. parler, quoi, tu vois. Je comprends hein, que tu nous as appelé pour ça. Mais moi, je crains pour moi maintenant. Non, non, Alain. Non, mais attends. Le problème, c'est qu'ils vont en parler à ma mère et ma mère, elle habite pas loin de chez moi, ça risque de péter. Mais ça va pas péter. On appelle ta mère si tu veux, pas de souci. Ta mère est pas au courant ? Si, elle est au courant que je suis gay, mais elle est pas au courant que je fais cette attention. Bah, écoute, c'est pas grave. En tout cas, là, t'as aidé beaucoup de gens en disant cela parce qu'il y a. Il y a beaucoup d'homosexuels qui sont concernés par ce problème. Tu comprends ça? Bien sûr, c'est... je sais très bien. Moi, je me bats pour les autres, mais pour moi, j'ai du mal. C'est pour ça que. Eh bien, tu l'as fait ce soir. Tu l'as fait ce soir, et puis mamie, elle va être en colère une journée, et puis après, ça va passer. Ouais, si ça peut te rassurer, Alain, c'est vrai que voilà, elle vient d'apprendre la nouvelle. Après, elle va digérer la nouvelle, et puis elle va finalement voir que tu t'as pas changé, quoi. Enfin, tu vois, tu seras toujours son petit-fils, quoi. Ça, c'est ouais. sûr. Eh oui, faut pas l'oublier, ça. Alain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rappeler dimanche soir dans l'émission pour prendre de tes nouvelles, d'accord ? Ok. Salut mon Alain, et bon courage à toi, et on se rappelle dimanche soir, d'accord ? D'accord, merci. 01 42 48 5000, on va accueillir Kevin là maintenant dans Love in Fun. Kevin, t'es là ? Oui, oui. Salut Kevin. Bonjour Karel, salut. Bonjour Alice, bonjour Bruno. Ah oui, Bruno. Ah oui. C'est la première fois qu'on m'appelle Bruno. Ah, oui. Je m'appelle Bruno, moi. Ah, c'est... Bah non, mais... c'est le doc. Ah oui, c'est le doc. C'est le stress. Et bien sûr. En plus, tu nous appelles pour poser une vraie question. Hein. Et oui. Tu veux savoir quoi, toi ? Et ben moi, en fait, je voudrais poser une question au doc. C'est combien mesure le vagin d'une femme ? Ah, ben ah oui, oui. Je vais vous le dire. Oui. Bah, c'est un connaisseur, hein, bien sûr. Hein. Sors ton double décimètre. D'accord. Là, on va tester l'expérience sur Alice, mais d'abord, on écoute Souf. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher, même pas eu le temps de lui expliquer, c'est plus la peine de continuer, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court, pour tout ce mal je suis désolé, encore une fois j'ai tout gâché, mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Qu'elle m'a fatigué, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup avoué, à demi-mot pardonné, tous tes défauts avoués, à demi-mot pardonné, mais c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court. Mea culpa. Souf sur Fun Radio, mea culpa. 01 42 48 5000. Love, Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio, Love in Fun au 01 42 48 5000 avec notre auditeur du soir. C'est Maxence ce soir qui fait de la radio avec nous pendant les deux heures là. T'es là, Maxence? Ouais, je suis là. Ça va, t'es installé confortablement là pour l'émission? Ouais. Tu t'es mis où? Super. Je me suis mis dans ma chambre sur ma chaise roulante. Ma chaise roulante, d'accord. Oui, ma chaise de bureau. Quoi. Et bah vas-y, tu peux rouler à droite, à gauche. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour nous envoyer des messages pendant l'émission, Maxence? Ah bah alors c'est super simple, il y a la page Facebook Lovinfun, le mail sinon lovinfun@sunradio.fr ou le hashtag Lovinfun sur Twitter. Il est bon Maxence. Oh là là, hein. Il est au point. Alice, on a reçu des messages. Ouais, exactement, un message de Margot. Est-ce qu'on peut vous appeler quand on a 11 ans parce que moi je vous écoute caché sous ma couette? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Tout le monde peut passer à l'antenne ici. Ouais, et un autre message de Michael, j'ai vu qu'on pouvait gagner des coffrets collecteurs de l'extension de WoW, mais comment on fait pour en avoir? Alors, c'est tout à dire que en fait, c'était fini. Mais vu que ça a été un carton incroyable et vu que j'adore ce jeu, eh bien tu l'as piqué, c'est ça? Non. Si je t'ai vu, t'es parti avec un coffret le jeu. Oui, non, mais ça c'est normal, c'est mon coffret. Il faut que j'en ai un. Je veux dire, je suis le plus grand fan. Mais c'est surtout qu'on va vous en offrir là de nouveau, peut-être soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Hein, on vous en dit plus d'ici quelques jours. Et dans le défi, fallait pas demander, bien sûr. Bien sûr, dans le défi, fallait pas demander. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au standard 01 42 48 5000. Maxence, si t'es d'accord, notre auditeur du soir, on va accueillir Kevin, t'es d'accord? Eh ben oui, je suis d'accord. Eh ben on le prend. Alors, Kevin, t'es là? Je suis là. Kevin, avec une vraie question, hein. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Je me posais la question, en fait, combien mesurer le profondeur de vagin? Ah oui, ça, c'est une question essentielle qui va refroidir plus d'un. Parce que les mecs avec 24 cm. Oui. Un vagin, ça fait 8 à 12 cm de profondeur. Mais non. Si. 8 à 12 cm. Alors, tu peux bourrer, faire remonter ce que tu veux. Ça servira à rien. Alors, ça sert à rien de bourrer. 24 cm. Eh ben, ils s'en mettent à une partie, il y en a une partie qui est dehors. Hein. Alors, c'est-à-dire que quand on arrive à mettre tout son sexe, ça veut dire qu'on a un sexe entre 8 et 12 cm. Ouais. Quand d'accord. On a l'impression d'être bien dedans, quoi. Voilà. Ok. Mais alors, je sais pas, parce qu'il y a différentes femmes, Doc. Oui, en fait, t'as jamais vu de femme avec des vagins de 20 cm. Ah, bon, alors, c'est des animaux, c'est des vaches, je sais pas. Oui, non, mais. Enfin, je sais pas. Non, mais attends, mais c'est normal. Étonnant. Non, c'est pas étonnant. Ça dépend de la phase d'excitation. J'ai une petite bite, merde. Ah, tu rentres tout? Oh, j'ai l'impression. Je touche le fond. J'ai l'impression que. Non, mais. Je touche le fond. Maxence. J'adore, t'as des mecs qui ont 24 cm. Maxence, tu avais une petite idée de ça ou pas, de la profondeur d'un vagin, toi? Je ne savais pas, non. T'as déjà mesuré ta quéquette? Très bonne question, mais non. Allez, arrête. Fais-le maintenant. Oh, tous les mecs l'ont fait, mesurer sa teub. Non, j'ai fait ça avec les pouces, là, la technique du pouce, mais. Non, la technique de la règle. Ah, tu prends une bonne vieille règle, une règle d'école. Centimètres. Voilà, tu mesures en centimètres. Voilà, c'est ça. Et comment est-ce qu'on fait pour bien mesurer son sexe, Doc? Tu mesures à la base du pubis, en érection, c'est possible. Il a réponse à tout. Hein. Et pour mesurer son vagin, on fait comment? Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer son vagin? Il faut y aller doucement. Tu fais des traits sur le pénis de ton mec et tu vois, tu mets quelque chose. Tu jauges. Excuse-moi, mais voilà, tu mets un godemichet, tu le mesures après. Ok, merci Doc. Ok, ben voilà, des petites infos pratiques. Hein. Si jamais vous savez pas quoi faire ce soir, mesurez votre sexe. Hein, et vous en saurez peut-être un petit peu plus sur vous. Kevin, est-ce que la réponse te satisfait? Ah oui. Pourquoi tu te demandais ça? Ben, je sais pas, ça m'a toujours posé l'idée. Ah bah oui, faut que je la pose. Enfin, et tu connais la réponse, 8-12 cm. Voilà, d'accord. Mon Kevin, tu reviens quand tu veux. Salut. Y a pas de problème. À bientôt. Merci. Salut. À bientôt. Salut Kevin. Aurélie des Sables d'Olonne est avec nous. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Ça va Aurélie? Salut. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Aurélie, tu nous appelles pourquoi? Donc en fait, moi j'ai un rayon complexe, donc voilà, je voudrais qu'on parle. D'accord. T'as pas qu'un complexe, t'as aussi un téléphone qui marche mal. Ouais, on va régler ça, bien sûr, avec nos deux hôtesses du standard, bien sûr. Et Aurélie, on va parler complexe avec toi. On a tous des complexes. Moi j'ai un gros nez. C'est un complexe, hein. Mais on peut apprendre à vivre avec ses complexes. Hein. Donc tu nous expliqueras. On appréhende son physique, oui, mieux. Et surtout bien. Il y a un truc de dingue. C'est en fait le regard des gens qui est différent de ce que nous on voit dans le miroir. Heureusement. On va apprendre plein de trucs, on saura tout sur ton complexe. N'hésitez pas à nous appeler si vous aussi vous avez un complexe, vous arrivez à surmonter ça ou au contraire, c'est vraiment une tanasse pour vous. Hein. Venez nous raconter 01 42 48 5000. Il y aura le défi, fallait pas demander. On va écouter DJ Snake et Justin Bieber. Let Me Love You sur Fun Radio.

compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité. Dans les rues, je vagabonde. Je mérite dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché. Et dans les rues, elle t'abandonne. Et dans la rue, elle t'abandonne. Et merci d'être avec nous sur Fun Radio. Je salue bien sûr tous les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices qui se branchent sur Fun Radio. C'est vrai que c'est la rentrée, donc il y en a plein qui prennent de nouvelles habitudes. Tiens, j'écoutais cette émission l'année dernière et si je goûtais à Love in Fun, goûter c'est l'adopter. Je vous le dis, vous ferez connaissance avec Alice, bien sûr. Goûtez-nous. Plus qu'un physique, une voix de rêve. Oh, arrête. Une belle voix de radio. Vous ferez connaissance avec le doc. Quel homme. Quelle expérience. Quel puits de science. Ouais, il est où le cirage? Vous ferez connaissance avec Karel. Je suis un petit guignol, moi. Je suis là pour présenter tout ça. Et puis, bien sûr, pour faire les cons avec vous tous, vous toutes. Tout à l'heure, d'ailleurs, on aura le défi, fallait pas demander. 01 42 48 5000 pour vous inscrire. On a notre auditeur du soir qui reste avec nous pendant les deux heures de l'émission, c'est Maxence, et on va accueillir avec lui Aurélie, 25 ans. Bonsoir Aurélie, 25 ans des Sables d'Olonne. Salut Aurélie. Bonsoir, salut. Bienvenue Aurélie. Alors, à l'instant, je viens de retweeter la photo de ton complexe. C'est quoi ton complexe? Bah, c'est mes orteils. Qu'est-ce qu'ils ont? Regarde, Doc, regarde. Ils sont pas dans le bon ordre. Non, si, ils sont dans le bon ordre, ça chauffe. Alors, je vais t'annoncer une grande nouvelle. Regarde, regarde tes doigts de pied. En fait, l'espèce humaine est en train de perdre tout doucement ses doigts de pied. Parce non que, il y a très longtemps, je pense que dans quelques milliers d'années... C'est pas un mal. Il y a très longtemps, ça devait nous servir autant que nos mains. Donc, on avait des doigts pour cela. Là, en fait, ça joue un rôle très mineur dans la marche. Peut-être ça sert à quoi, les doigts de pied, concrètement? Pas grand-chose. Même pas pour l'équilibre. Si tu marches sur les... Non, l'équilibre, okay. C'est pas les doigts de pied. Tu peux être en bonne équilibre. Moi, je me sentirais bizarre. Ça marche si tu marches sur la pointe des pieds, éventuellement, si tu fais de la danse. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc, en fait, non, ça sert pas à grand chose. Mais d'où le chevauchement des orteils et le côté un petit peu du dernier orteil, notamment complètement incliné. Voilà, ça, tout le monde est comme ça. Pour ceux qui n'ont pas la photo, en fait, t'as un petit doigt de pied qui est un peu plus court que les autres. Quoi. Alors, ça, c'est tout à fait normal. C'est une implantation qui est plus en avant. C'est pas grave du tout. C'est normal. Je peux te rassurer. Moi, je vois des bébés tout le temps qui, on le remarque dès la naissance, et ça ne nous importe. Pour nous, c'est pas une préoccupation. On le dit pour le dire, mais ce n'est pas une anomalie et c'est pas une malformation. Ok, voilà. Doc, mais ça reste un complexe, c'est-à-dire. Bah, tu montres tes pieds à tout le monde. Bah oui, raconte-nous un peu ton complexe. À la piscine. Ouais, la piscine avec ton mec, genre quand tu te fous à poil. Est-ce que t'as déjà eu des réflexions? Pourquoi c'est un complexe? En fait, tout le monde, genre quand je suis en tong et tout ça, tout le monde me dit, Aurélie, t'as vu tes orteils? Les orteils, ils sont moches. À mon avis, les mecs, ils commencent pas par les pieds quand ils te regardent. Généralement, non. Après, imagine, de toute façon, on est déjà potes, Aurélie. Donc, je suis à la plage, je vois tes pieds, je vais te dire, putain, c'est marrant, t'as un truc, tu vois. Et puis c'est tout. Enfin, on s'en fout, quoi. Tu vois? Ouais, mais bon. Mais tu vas quand même faire la réflexion. Voilà. Avoue que les garçons regardent autre chose chez toi, non? Bah oui, de toute façon, enfin maintenant, voilà, je suis mariée et tout, hein, donc... Et qu'est-ce qu'il a dit ton mari alors? Bah il a dit, non mais t'as vu tes orteils, ils ressemblent à rien. Voilà. Ah oui, bah... c'est violent, ouais. Tu vois, on s'en fout. Ça t'a pas empêché d'être avec lui, quoi. En tout cas, c'est pas... C'est extrêmement fréquent, ce genre de petite anomalie. C'est absolument pas grave, c'est pas une malformation, donc tu laisses tomber. Il y a des complexes. On est tous décomplexés sur pattes, je pense. Hein. On a Déborah qui est avec nous, 22 ans de Grenoble. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Bienvenue Déborah. Quel salut l'équipe. Salut Déborah. Quel est ton complexe? Alors, c'est un énorme nombril, Karel. Ah bon? Il est énorme. D'accord. il ressort? Oui, est-ce qu'il ressort? Non, il sort pas, il est profond, il rentre, mais il a... Ah, mais tu es normal. Mais je peux mettre mon nez dedans? Combien de centimètres? D'au moins 6 centimètres. Ah ouais, alors, attends, là, il faut que je vois, parce que je crois pas ça. Ah, et... quand je rentre mon pouce, on ouais. voit plus mon ongle et ma phalange. Oh, c'est ouais, dingue. C'est possible, ça, mais ça va pas ouais. plus loin. Ça fait... Attends, entre admettre la pulpe du doigt et 6 centimètres, il y a quand même une sacrée différence. Parce que 6 centimètres est dans le ventre, là, ma chérie. Oui, oui, non, t'as... Bah, limite dans les fesses. Hein. Écoute, faudra voir ça, mais a priori d'abord, c'est pas une anomalie parce que l'abdomen est protégé. Et puis, tu n'as pas de hernie, c'est-à-dire que ça fait pas une boule à l'extérieur. Non, mais par voilà. contre, Doc, j'ai une question. Vas-y. Je me suis fait percer le nombril il y a 4 ans et mon corps a fait un rejet. Mais... Ça m'a fait une cicatrice, c'est dur. Ah, ça me fait de la peau très dure. Et j'ai essayé de repercer par-dessus. Mais mon corps a quand même fait un rejet, du coup, je sais pas. Bah, t'arrêtes tout de suite le piercing, c'est tu ne tolères pas le métal. Tu es allergique, donc tu arrêtes le piercing. Mais oui, mais j'en veux, hein. Ah bah, alors, faut mettre le prix. Faut peut-être un métal sans nickel, je ne sais pas à quoi tu es allergique, ou en tout cas, chercher à quel métal tu réagis. Bah, moi, faut pas mettre le métal. Il y a du plastique. Et il y a les Bioflex. Voilà, c'est des piercings. Essaye un. Les Bioflex. Hein, c'est top. Hein, ouais, ça défonce de ouf. Hein. Non, mais voilà. Essaye un piercing sans métal. Et je me demandais, Déborah, toi qui as un nombril de 6 cm et tout, il n'y a jamais aucun mec qui s'est dit putain. Ça, j'en étais sûr. Il est où le trou? Il s'est trompé de trou. Bah oui, non, je sais pas. Tu dis ça à Karel, il rentre dedans, quoi. Non, bah ça va, je suis pas non plus bigleux, donc je sais quand même. Non, Karel. Hein, où ça se passe. Ok, d'accord. Non, mais je posais la question, Déborah. Il y a ma maman qui écoute quand même à la radio. Oh merde! Mais bonsoir, madame. Comment s'appelle ta maman? Comment elle s'appelle, maman? Chantal. Chantal. Bisous, Chantal. Gros bisous, Chantal. Votre fille est exceptionnelle. On a Gaëlle aussi qui est avec nous. Gaëlle, 20 ans de Rouen. Bonsoir, Gaëlle. Salut, Gaëlle. Bonsoir, l'équipe. Salut, Gaëlle. On parle, voilà, des complexes. On a tous des complexes. Gaëlle, c'est quoi, toi, ton complexe? Mon ventre et mes hanches. D'accord. Pourtant, on adore s'agripper, nous, les mecs. Attends, tu pèses combien? Tu mesures combien avant de commencer par le début? Je fais 1,52 pour 55 kilos. Ouais, t'as un petit peu un excès de poids, mais rien de dramatique. Voilà. Donc, t'as un petit ventre un peu rond. Oui. Il y a deux choses là-dedans. D'abord, il faut faire de la musculation. Ouais. Mmh. Oui. T'en fais? Non. Et ben voilà. Et ben, faut se mettre un petit peu au sport. Quoi. Alors, les abdos, je vais te dire, tu fais 50 à 100 abdos par jour, ça va marcher. Hein. Ah, bah ouais, bah là, natation, tu peux même plus rigoler, tellement t'as mal. Ah, ouais, non, ça fait ça super mal, les abdos, Doc. Ah, oui, surtout toi, t'en fais jamais, c'est pas ça. Attends, tu plaisantes ou quoi? Et toi, Doc, est-ce que tu fais des abdos? Je fais tout, moi. Ah, ouais, fais-nous des pompes. Attends, on a deux bodybuilders dans l'équipe. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a Guillaume au standard. Montre-nous tes tablettes de chocolat, toi. Bah, Guillaume, vas-y. Montre-nous tes tablettes de chocolat. Il faut faire un snap, là, les copains, parce que là, on va. Allez, mets-toi debout. Ouais. Attends, putain, j'ouvre l'application. Tu sais, moi, je suis comme tous ceux qui vont aller sur Snapchat là en ce moment pour voir les abdos de Guillaume du Standard. Guillaume l'homme objet de cette émission. Hein. Guillaume, rapproche-toi un petit peu et montre-nous tes abdominaux. Voilà. Tablette de chocolat. Oui. Alors, ça ne marche pas, mais sinon, vous pouvez vous connecter sur le site. Tu contractes pas là. Funradio.fr. Voilà, ça va. Ça a marché. J'ai fait le snap. Si vous voulez voir tout ça sur le Snapchat de l'émission. Non, mais il est super gaulé. Tu fais combien d'abdos, toi, Guillaume? Bah, j'en fais à peu près déjà tous les deux jours. Et quand je fais une séance d'abdos, c'est entre 400 et 500 abdos minimum. Ah ok, ouais. Le mec a du temps à perdre. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, moi, je vais me coucher. Parce que Karel, il a un petit ventre par manque d'entraînement. Pas du tout. Je peux pas te laisser dire ça. No pain, no gain, Doc. Hein, si tu souffres pas, forcément, tu restes avec tes abdos ou ta brioche. Alors, ça ne résout pas le problème de... Si, bah, Doc, si, Gaël. Gaël. Gaël. Oui. Voilà. Oui. Et ton autre complexe, à part le ventre, c'est quoi? Les hanches. Les hanches, elles sont trop larges. Mais les femmes, les femmes. Alors, attends. Là, il faut quand même que je te remette les pendules à l'heure. Le bassin féminin, la nature l'exige, est plus large. Et la répartition des graisses au niveau du bassin féminin, c'est une origine hormonale. C'est les hormones qui font ça. Tu as plus de graisse au niveau de ton bassin. Ce qui, fait, ce qui te donne des formes féminines qui sont en général appréciées par les mecs. C'est pas joli. Alors après, tu as un petit excès qui doit se régler avec un peu plus d'exercice et un peu moins de glucides. Mais ça va s'arranger. Et des abdos. Fais des abdos. Mais bien sûr. Va sur Snapchat, va voir les abdos de... De Guillaume. Ouais. Alors, Alice, toi, t'as un petit complexe ou pas, toi? Bah, moi, en fait, je marque très vite. Donc, dès que j'ai une marque, une griffure, une piqûre de moustique, ça me laisse des cicatrices. Et ça, c'est un truc que je suis. Et t'aimes pas, Ah veux... non, du coup, j'ai du mal. C'est ce que t'as sur le visage, là. Non. Si, c'est vrai, j'ai une cicatrice sur le visage aussi. Et des fois, on me dit, mais t'as un bouton? Et je dis, mais ta gueule. Mais c'est ça, il faut en jouer. Bien sûr. Hein. Il faut pas se laisser faire, quoi. Gladys, t'es là ou pas, Gladys? Gladys. Coucou. Salut. 24 ans de l'an. Bonsoir, Gladys. Coucou, vous allez bien? Ah, ça va bien, coucou à toi aussi. Quel est ton complexe, Gladys? Alors, moi, c'est mon nez, mes seins et mes bras. Ah ouais? Alors, les bras, qu'est-ce qu'ils ont, les bras? Bah, en 6 ans de temps, j'ai perdu 25 kilos. J'ai quand même bien perdu aussi des bras, mais par rapport au reste, je trouve que c'est un peu disproportionné. D'accord. Ça veut dire que t'as de l'excès où? Bah, au niveau des avant-bras, enfin de... Oh, la graisse des bras. Et tu pèses combien, là? Là, je fais 61. Pour quelle taille? 1m64. Bon, ben ça va, c'est tout à fait correct. Il ne faut pas non plus attendre. Oh, je lui commande une petite liposuction. Mais là il faut que tu fasses de la muscu un peu. Ça te fera du bien. Bah ouais, non, mais franchement, je les porte bien, mais sinon, je ne complexe pas. Mais ok, voilà. Ça va s'arranger. Ton nez. Bah, il est trop long, puis il y a une bosse au bout. Alors là, en revanche, si vraiment le nez est très moche, ça peut arriver. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Ça peut arriver. Je te prends. Eh oh, hey, ça va. C'est rare, mais c'est. Attends. Alors, on peut demander à un chirurgien esthétique de le refaire. On peut aussi. Ça doit coûter cher. Non, mais je vais te dire un truc. Ça se négocie, ça. Je vais te dire un truc, Gladys. Moi, franchement, mon nez, il est ce qu'il est. Mais c'est j'ai le même nez que mon père. J'ai le même nez que mon grand-père. Et ben, moi, je suis fier d'avoir mon putain de pif. Ouais, t'as pas pu te faire opérer, quoi. Non, j'avais pas assez de thunes. Fais chier. Mais j'ai entendu une bosse. Il y a une bosse, effectivement, pour une fille, c'est un peu désagréable. Ouais. Donc, ça peut être réduit, les chirurgiens esthétiques. Alors après, ça se fait. Bon, c'est une question de prix, je suis d'accord avec toi. Mais il te fait un devis avant, il te rencontre, il regarde ce qui est réparable. Ça, je dis ça pour le nez, hein, éventuellement. Maxence, notre auditeur du soir, est-ce que toi aussi, t'as un petit complexe? Alors moi, j'ai un complexe sur mes sourcils et sur ma tête parce que je crois qu'elle est trop grosse, voilà. Oui, bien sûr, j'ai un trop gros sexe. Et tes sourcils, c'est parce que ça se chevauche, ça se bataille? Un peu, et puis ils sont un peu trop gros. Ma petite pince à épiler, fait comme Cassim à l'arrière. Enfin, fais plus que lui, si tu veux. Oui. Parce que là, je vais te dire. Tu vois même plus ses yeux, tu sais. T'as des mecs qui se brossent les cheveux et qui se brossent les sourcils. Je cache avec les lunettes. Ah oui, c'est pas bête. Il y a un truc important à dire pour tous ceux qui ont des complexes. C'est ma question, Doc. Souvent, on se fait une montagne d'un truc qu'on a. Voilà, ça peut être un bouton, ça peut être un défaut physique. Enfin, un défaut, on se retrouve avec un défaut physique. Et en fait, les gens, ils le remarquent, mais juste même pas, quoi. C'est propre à l'adolescence. En fait, l'adolescence, le corps change, devient adulte. Donc, il y a des grosses modifications. Et on a souvent beaucoup de mal à accepter son corps tel quel. Et on va focaliser sur un défaut physique qui, en fait, est peu remarqué par les autres, peu disgracieux, mais qu'on considère comme disgracieux. Et donc là, il faut effectivement cultiver son corps, prendre confiance en soi. Et je pense que le sport, la gymnastique, tout ça, aide à prendre position. La flûte et le pipeau. Bien sûr, le pipeau. Aide à prendre confiance, à finalement aimer son corps tel qu'il est et à l'accepter tel qu'il est. C'est ce que je te disais. Je pourrais tomber amoureux de toi quand tu parles comme ça. Ce que disait Gainsbourg de sa gueule. Hein. Ah, mais j'ai une gueule de merde, mais... Non. Quand j'étais petit, j'avais une belle gueule. Ah. Et maintenant, j'ai une gueule. Quand j'étais adolescent, j'avais une sale gueule. J'ai niqué la fin, je crois. J'avais une sale gueule et à la fin, et maintenant, j'ai une gueule. Et t'as niqué ta chute. C'est pas grave. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé cette réflexion parce que finalement, ça traduit ce qu'est le malaise physique à l'adolescence. On termine avec des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Ouais, beaucoup de réactions. Il y a Charlotte qui complexe parce qu'elle a les oreilles décollées. Natacha, j'ai un œil qui dit merde à l'autre. Linda, j'ai les pieds qui partent vers l'extérieur, donc je marche comme un canard. Et pour Geoffrey, c'est ses yeux qui sont apparemment super rapprochés et lui aussi a un mono-sourcil. Courage, les gars. On est tous dans le même bateau, mais les amis. Et oui, 01 42 40. 5000, on va faire le défi, fallait pas demander là dans un instant avec Quentin, 16 ans de mot, t'es là Quentin? Salut, ouais, Quentin. Salut, l'équipe. Salut, mon pote. Salut. Alors, toi, tu vas appeler ton père, c'est ça, pour lui poser une question, hein? Ouais, en fait, moi, je vais dire que j'ai kidnappé ma prof de maths. Mais non. C'est énorme. Papa, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai kidnappé ma prof de maths. On va le faire dans un instant, Quentin. On va encore vivre, je pense, un grand moment de radio. Merci d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio. 20h-22h, c'est Love in Fun avec DJ Snake, Justin Bieber. À tout de suite. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Snake et Justin Bieber sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Et tous les soirs avec le défi Fallait pas demander, vous repartez avec des cadeaux, c'est le jeu là. Quentin est avec nous, il a 16 ans, il est de Meaux. Bonsoir Quentin. Salut Karel, salut Doc, salut Ali. Salut. Salut. Alors Quentin, le défi Fallait pas demander, c'est très simple. Hein. En fait c'est poser une question, toute simple, hein, mais enfin... Ouais. Toute simple, une question que normalement on n'oserait pas poser. Hein. Faut que tu arrives à énerver la personne que t'appelles et tu repartiras avec tes enceintes Philips, d'accord? Ouais. Ok. Alors, est-ce que t'as choisi une question? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas demander? Qui tu vas appeler? En fait, moi, je vais poser une question à mon père et je vais dire, est-ce que papa, est-ce que tu peux m'aider? En fait, j'ai kidnappé ma prof de maths. Ah ouais. Il est malade. Non mais attends, le mec est un fou. Il sort de dingue. Vous faites carrément des scénarios maintenant. C'est génial. D'accord. Bon bah on est parti. Quentin va faire croire à son père qu'il a kidnappé sa prof de maths. Genre il a pété un câble, mec. Elle est où ta prof de maths là? Tu l'as mise où? J'ai mis dans les vestiaires du gymnase. Dans les vestiaires du gymnase. Okay. Donc si t'as besoin de quelqu'un qui fait hein, qui est bâillonné, on va t'aider. Hein, d'accord? Okay. C'est parti, on appelle ton papa, il s'appelle comment? Il s'appelle Laurent. Ok, on appelle Laurent tout de suite. Vous allez trop loin les copains. Grave. Oui, allô? Ouais, papa. Ouais, Quentin, bah, qu'est-ce que tu fous? T'es pas à la maison? Non. En fait, j'aurais besoin que tu m'aides, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce qui se passe? Tu finissais à 17h30, pourquoi t'es pas là? Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai kidnappé ma prof de maths. Quoi? Non. Bah, si. Non. Ouais, donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin. En gros, cette grosse salope elle m'a cassé les couilles. Elle nous a séparé le premier jour direct, genre elle peut pas me saquer. Donc du coup, je me retrouve pas avec mon meilleur pote, donc franchement, ça m'a gavé, je l'ai ligoté, j'ai mis du scotch sur la bouche. Non, mais c'est des conneries. Qu'est-ce que t'as fait? T'es parti au café avec tes potes? Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas, non, connasse. Pas du... C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi ce bruit? Elle est en train de bouger là. Bah en fait, j'avais qu'un pote là. Et du coup, on l'a fait à deux, on l'a ligoté à deux, en fait, et voilà. Mais Quentin, mais ça va pas ou quoi? Bah, c'est quoi ces conneries? Bah oui, mais elle me casse les couilles, la meuf, attends, genre, elle me sait pas avec mon meilleur pote, elle veut pas me saquer, elle me dit, tu pars, je te mets une heure de colle, mais qu'elle aille se faire enculer. J'en ai rien à foutre, mais on fait pas ça, mais t'es où, là? Ta gueule, salope! Mais qu'est-ce que tu fous? T'es où, là? Je vais te passer mon pote, attends, je te le passe. Mais j'en ai rien à foutre! Allô, monsieur? Ouais, je crois qu'on a fait une connerie là, putain. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, c'est Quentin, je sais pas, je l'ai pas reconnu. Mais on fait pas ça. Et Quentin, je l'ai pas reconnu. En fait, il a pris la prof de maths comme ça par le bras. Il lui a dit, toi tu viens et tu fermes ta gueule. Et après, il m'a dit, vas-y, viens. Ensuite, elle pouvait pas parler. Alors du coup, il l'a bâillonné, il lui a mis un truc mais dans la bouche. Possible, elle peut plus parler. Et puis là. Mais moi je me casse, hein. Quentin, je te laisse avec ton père, t'as fait le con là. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, quoi? C'est la rentrée, ça vous tourne sur le système ou quoi? C'est quoi votre problème? Je vais la libérer. Tenez madame, excusez-nous. Excusez-nous madame. J'arrive. Vous bougez pas, putain merde. C'est j'arrive. Inadmissible. Alors là, je vais porter plainte, je vous assure, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais péter un câble, hein. Ah, c'est Quentin, madame. Ça ne se fait pas du tout, c'est Quentin, j'en ai rien à foutre, vous serez collés. Et qui est-ce que vous avez au téléphone là? C'est le papa, passez-moi le papa. Allô le papa? Ouais, bonjour. Écoutez, non, pas bonjour. Et faut gérer vos gamins là. Je me suis fait taper, bâillonner, c'est inadmissible. Vous rendez Écoutez, compte? Moi je suis représentante de l'éducation nationale, moi monsieur, hein. C'est pas comme ça qu'on traite les professeurs, hein. Est-ce que vous savez? Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pour ça que je vais venir. On va régler le problème. Parce que moi, j'en ai marre de Et vous prenez et vous prenez les choses à la rigolade, quoi. Mais vous ne savez pas éduquer vos gamins, hein. Attendez, moi je vous repasse votre fils. De toute façon, je m'en vais à la police. Non, attendez madame, attendez. Allô? Allô? Allô? Ouais, Quentin, il est parti, là. Quentin, il est parti, il a paniqué. Oh là là là là là là. Bon, bougez pas, j'arrive. Laurent, partez pas, parce que vous êtes en direct sur Fun Radio, Laurent, et tout ce qui vient de se passer n'a jamais existé. Vous venez de vous faire piéger, Laurent. Dans le défi, fallait pas demander. Ouf. C'était Quentin qui devait vous poser une question pour repartir avec un cadeau. Et Quentin, c'est gagné, bravo! Merci! Quelle histoire de dingue! Ça va, Laurent? Oh, ce bordel! Mais c'est quoi cette histoire? Disons, je peux réexpliquer, Laurent. En fait, c'est pour un jeu, hein, la radio, tout simplement. Hein. C'est vrai que Quentin est allé très loin. Hein. Quentin s'est dit. Non, mais j'ai failli faire une crise cardiaque. Là, ah non! Non, ça allait. On parle de mon gamin et on parle de kidnapping, là. Ah oui. Dans le rôle de la professeure, j'ai adoré Alice. Hein. Je suis beaucoup plus calme dans la vraie vie. C'était magnifique. Laurent, grâce à vous, Quentin il va repartir avec ses enceintes Philips, là, qu'on va lui envoyer bientôt à la maison. Et Laurent, vous avez été magique, hein. Franchement. C'était la panique. C'est bon, il n'y a rien. C'est... Ah bah non. Ah non, c'est bon. Ah, pas de soucis, tout va bien. Vous inquiétez pas. Non. Votre enfant n'est pas encore un délinquant. Mais non, hein. Il est juste au bar avec des potes. On ne kidnappe pas ses professeurs, bien sûr. Merci Quentin, t'as assuré, franchement, t'es trop fort. Par contre, je vais me faire basser par mon père là. Mais non. Ah non, Laurent, vous n'allez pas. On en discute un petit peu quand même. Voilà, mais pas de violence, hein, bien sûr. Non, pas de violence, non. De toute façon, je les rappellerai. Ouais, non, t'inquiète. Tu le tiens au courant, hein, Quentin, sinon on n'envoie pas le cadeau à papa. Hein. Salut à tous les deux, salut. Ciao, ciao. Au revoir. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Et vous aussi, hein, vous pouvez tenter le défi, fallait pas demander, hein, tous les soirs au 01 42 48 5000. Dans un instant, on sera avec Léa. Léa, 24 ans de Carcassonne, t'es là, Léa? Oui, coucou tout le monde. Bonsoir. Salut Léa. T'appelles pour quoi, toi, Léa? Ben, moi, je suis acheteuse compulsive et j'aimerais savoir s'il y en a qui sont comme moi. Ok,

Martin Garrix sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Eh ouais, on est là tous les soirs sur Fun Radio. 20h, 22h, 01 42 48 5000. C'est le numéro pour nous appeler tous les soirs, réagir à tout ce qui se passe pendant l'émission, bien sûr, avec vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On est partout, Alice. On est partout. Un petit message de Mathéo. Bonsoir toute l'équipe. Continuez comme ça, vous gérez de ouf avec le Doc. Et un autre message de Quentin. Est-ce que je peux venir vous voir en studio la semaine prochaine? Je suis de passage sur Paris et j'adorerais vous rencontrer en vrai. Il n'y a pas de souci, franchement, tant que vous ramenez des chocobons vous envoyez un petit mail à loveinfun@funradio.fr. Et là, on est bon. On est très très bon. Hein. D'accord. Léa, 24 ans de Carcassonne, est avec nous. Bonsoir Léa. Salut Léa. Bonsoir Karel. Bonsoir le Doc. Bonsoir Alice. Bonsoir. Léa, raconte-nous pourquoi t'appelles toi. Ben, moi, j'appelle parce que je suis acheteuse compulsive. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Tu peux nous dire ce que tu vis? Ben, ça veut dire que quand j'ai, du moment où j'ai mon salaire, je fais quelques cours, je paye mon loyer et ensuite, ben, je dépense dans les vêtements, dans les chaussures et dans les accessoires. Oh, t'es une fille! Ah, non, mais pas. Du coup, t'as des choses inutiles à la maison ou pas? Des choses inutiles. Est-ce que c'est des. Non, ce que tu achètes, est-ce que tu t'en sers vraiment? Bah, j'avoue qu'il y a des paires de chaussures et des vêtements que j'ai pas encore portés, mais pour moi, c'est. T'as combien de chaussures à la maison? Je crois que je dois être. La dernière fois que j'ai compté, c'était il y a deux jours, j'étais à 135 paires. Attends, 135 paires de chaussures. Ouais, mais alors ça, il y a des mecs qui ont plein de paires de pompes aussi à la maison. Mais 135, c'est pas mal. Bon, ça te sert à rien, on est d'accord. Est-ce que t'en souffres? Ah si, collection, Doc. Ouais, je sais pas. Elle achète pour acheter. Que j'en souffre. C'est vrai que je vois, je mets pas d'argent de côté pour partir en vacances ou alors je sors très rarement. Je me fais rarement sortir. D'accord. Tu te prives de plein de choses. Ok. Ouais. T'as un mec dans ta vie? Non. T'as pas de mec. Écoute, le problème, tu pourrais lui prendre sa carte bleue. T'as compris que c'était effectivement maladif chez toi, que c'était pas des besoins, mais que. C'est une espèce de sensation, c'est addictif, c'est comme si c'était une drogue. Tu vas, tu ressens quelque chose, un bien-être, et puis dès que t'as acheté, il faut que tu recommences parce que la sensation a disparu. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. Il faut voir, dans ta vie, tu t'embêtes, tu t'ennuies, t'as des soucis, je sais pas, t'es comment? Non, bah je travaille. Est-ce que t'es heureuse? Est-ce qu'on est vraiment heureux un jour? Ah oui, bah, ça c'est. C'est pas mal si on peut l'être quelques temps. Ouais. Oui, en tout cas, tu peux pas être heureuse comme ça. Voilà. T'es d'accord ou pas? Ouais. Et que t'as besoin d'avoir d'autres objectifs dans ta vie. Et quand on en est à ce stade-là, d'acheter des choses complètement inutiles qui ne servent à rien, à tout dépenser, à se priver d'un certain nombre de choses, il faut aussi une psychothérapie pour comprendre, parce qu'il y a forcément un mécanisme dans ta tête. Tu essayes de remplir un vide. Hein, c'est un peu ça, l'achat compulsif, en tout cas tous ces mécanismes addictifs de remplir un vide. Mmh. Et en fait, tu t'aperçois que c'est un vide qui a un trou au fond. Ouais. Tu le remplis, ça se vide aussi vite. Tu comprends l'image? Ouais, je vois, oui. Quel est ce vide affectif, Léa? Confie-toi à nous. Tu manques d'un homme? T'as besoin d'un homme dans ton lit? Bah, c'est ça, c'est le célibat, je crois. Ah bah peut-être. Bah ouais, en plus, là, tu pourras lui piquer sa carte bleue, tu vois, tu te feras plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, justement. Ouais. Bah, je sais qu'Alice, elle est comme ça. Hein. Ouais. Elle me raconte ses week-ends. Oh putain, j'ai fait un casse à Promode. Ah ouais, moi j'ai dégagé. Oh, j'ai tout acheté. Mais c'est vrai, c'est vrai. Attends, il y a des limites, mais elle va jusqu'à se priver de choses comme ça. Là, ça va trop loin. Essentiel. Ça va trop loin. Ah bah moi, je suis dans le rouge, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est même. Non, mais moi aussi, mais bah voilà. Et même quand t'es en négatif, de quoi? T'es pas heureuse avec ton mec? Mais bien sûr que si. Mais j'ai aucun trou, aucun vide à remplir. C'est ta question. Mais alors, mais par contre, je sais pas pourquoi je vais craquer sur des fringues et je me dis oh mon Dieu, et si dans deux mois ils sont plus là et que je les retrouve jamais? En fait, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Cette petite paire de bottines. Combien de pas envie de passer à côté. Alice, tu vas combien de fois par mois acheter des fringues? Eh ben, bien heureusement, on a un travail très prenant. Donc, tu vois. Mais pendant une période, c'était une fois par semaine. Ok. Léa, toi, c'est tous les combien? Tous les jours? Ça peut arriver, ouais, tous les jours. Voilà, c'est ça la grande différence. Ah, je me sens tellement mieux. Ouais. Et on a Maxence, notre auditeur du soir. Toi, t'es un acheteur compulsif, t'achètes quoi, toi, Maxence, régulièrement? Pas beaucoup, mais je suis un grand fan d'Harry Potter, donc à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, eh ben, je suis obligé de l'acheter ou de le précommander. Ah, c'est ça, c'est pas pareil. En fait, quand t'as pas de fric, ça règle le problème aussi. Oui, c'est vrai que quand t'as pas de thunes. Ouais, mais bon, si t'es acheteur compulsif, justement, tu trouves de l'argent par tous les moyens pour pouvoir acheter tes trucs. Oui, tu vis à découvert, éventuellement. Ouais. Bon, Léa, petite psychothérapie, ce serait pas mal. Ouais, ça va t'aider parce que tu souffres un peu quand même. Ouais, ouais, carrément. Et puis, on te souhaite de trouver un homme aussi. Bah, j'espère aussi. Qui va réchauffer ton lit. On te fait des gros bisous. Et remplir ton compte en banque, parce que tu dépenseras moins, évidemment. On te fait des gros bisous, Maléa. Merci d'avoir appelé. Salut. Bisous. Salut, salut. On a Corentin qui est avec nous des Vosges. Salut, Corentin. Salut, Corentin. Salut. Comment ça va? Salut, toute l'équipe. Ça va et vous? Tu viens de nous appeler là au standard 01-42-48-5000 et t'appelles pourquoi, toi, Corentin? Bah, j'appelle parce qu'il y a ma copine. Ça fait 9 mois que je suis avec ma copine. Ouais. Et elle veut toujours pas faire l'amour avec moi. Ah. Et faut attendre, mon pote. J'essaie de l'exciter comme je peux et. On va essayer de comprendre pourquoi. Ah, et c'est surtout, pourquoi, enfin, toi, tu veux le faire depuis combien de temps, en fait? Bah, ça fait quoi? Ça fait un mois que je veux essayer, moi. D'accord. Et elle veut pas. Non, elle veut pas. Elle est vierge? Ouais. Elle veut attendre le mariage pour coucher? Non. Ah non. Non, pas spécialement. Non. En tout cas, elle a pas. Vous en êtes où, là? Vous avez fait quoi ensemble? Bah, j'ai juste le droit à la partie du dessus, en fait. La partie du dessus? Ah, donc tu peux lui toucher les seins. La bouche, ça s'arrête au sein. Voilà. D'accord. Et bah, c'est déjà pas mal, mon pote. Hein. Bah, écoute, elle veut pas. Ouais, t'en as marre? Attends, elle a quel âge? Elle a quel âge? Ouais, elle a 16 ans aussi. Elle n'est pas prête pour avoir une relation sexuelle, tu dois le comprendre. Bah oui. Ça peut mettre un an, deux ans, prendre. Sois patient. Ah, ça peut mettre plus encore. Ouais, mais ça fait beaucoup quand même. Hein. Non, mais Corentin. Bah, plus t'insistes, plus ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Hein. Tu l'aimes un peu ou pas? Oui, moi je l'aime. Mais est-ce que t'es capable de changer de fille simplement parce qu'elle ne veut pas coucher? Ah non. Non, bah voilà. Bah écoute. Ça c'est déjà un bon point. Bah, vas patienter, hein. Tu vas te la prendre sous le bras, quoi. Si tu veux, on peut lui en toucher un mot. On peut l'appeler pour voir pourquoi elle veut pas. Si tu veux, on l'appelle. Hein. Non, c'est bon. Bah, Corentin. C'est bon, mais il y a plein de filles qui n'ont pas envie de coucher à 16 ans. Non, mais moi, avec un garçon, voire plus tard. Elle n'est pas prête. Moi, j'étais comme Corentin. J'étais avec une nana et tout. Ça faisait genre 6 mois qu'on était ensemble. Mais moi, j'étais comme un dingue. En plus, j'avais tous mes potes qui me disaient ouais, alors, ça y est, tu l'as fait. J'étais toujours puceau. Et ouais, elle voulait pas. Moi, les copains, ils me font chier avec ça. Ah ouais, mais sauf que c'est pas. C'est... Tu fais pas ça pour tes potes. Hein, déjà, tes potes, c'est des mythos. Mais c'est, le truc, c'est que c'est chiant, en fait. Eh ben, tu te branles. Est-ce qu'elle t'a quand même dit. Ça va un moment aussi. Ah, ça va. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? Elle t'a dit qu'est-ce qu'elle t'a donné? Non, bah, elle m'a dit. Moi, je suis pas encore prête, mais bon, ça va faire 2 mois qu'on est. Qu'elle me dit, en fait. Ah, il en peut c'est plus. C'est chiant, hein. Il a les couilles pleines, le mec, il en peut plus, quoi. Corentin, sans déconner, elle te dit qu'elle ne veut pas, qu'elle ne se sent pas prête. C'est que tu t'y prends mal, déjà, Corentin. Faut que tu sois peut-être un petit peu plus cas, rassurant, quoi. Oui, et à 16 ans, il est normal qu'elle ne soit pas prête, ça ne me choque pas. Oh, quitte-la. Non, mais ça va pas, Cassim. Ah non, mais c'est vrai, si elle veut pas, il n'a qu'à pas se faire chier. Ouais, non, mais voilà, non, mais ouais, Cassim, lui, s'il couche pas avec la meuf dès le premier soir, il la largue. Bah oui, tu t'ennuies. Qu'est-ce ouais, tu sauf que Corentin, Cassim, il a 16 ans, quoi, tu vois. Bah, à 16 ans, t'es toujours puceau, toi, à 16 ans, Cassim. Oui. Ah, bah, alors voilà, ferme ta gueule. Et Corentin, et surtout, c'est hyper important, forcez pas les filles, quoi. Et pour tous les mecs, là, qui sont avec des nanas depuis quelques mois, la nana, elle veut pas, c'est qu'elle est pas prête. De toute façon, si vous le faites, ce sera pas bien. Donc, il faut attendre que la fille soit d'accord, c'est n'est-ce pas, Alice? Oui. Ah, bah, moi, je suis totalement d'accord. De toute façon, ça, c'est elle, ça doit venir d'elle. Ouais, c'est ça. Et plus tu vas la coller, la saouler avec ça, plus pour elle, ça va être genre le truc qui va la. Bah, vraiment, elle va le fuir, quoi. Il y a des pays où si la fille n'a pas dit oui clairement, ça peut être considéré comme un viol. C'est les États-Unis. Je vous le dis quand même. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, vous allez trouver ça bizarre, mais je pense que c'est essentiel qu'elle dise oui et qu'elle ne se sente pas obligée de le faire. Voilà. Bah oui, mais je trouve que c'est normal, mais. T'es d'accord. Bah oui, mais Corentin. Quand même un peu chier. Bah oui. Bah, tant pis, maintenant, tu digères l'affaire. Comprends bien, Corentin, mais t'as dit un truc important. T'as dit que tu l'aimais, donc si tu l'aimes, tu attends. Ouais. Salut Corentin. Et je te souhaite une bonne masturbation ce soir. Hein, parce que je pense que. Demande-lui non, des. Je pense pas ce soir quand même. Bon, pas ce soir. Ah. Bon, bah écoute. Demain alors. À demain alors. Hein. Salut ouais, Corentin. C'est... Ciao salut. À toi. Allez, salut. Salut. Et le chiffre d'Alice dans un instant sur Fun Radio. On va parler de quoi ce soir, Alice? On va parler des gens qui ne s'entendent pas du tout avec leur belle famille. Et qui se sont même déjà embrouillés, quoi. Ah ouais, non, mais je suis sûr qu'on va avoir des réactions mythiques. Parce que c'est vrai que des fois, la belle-mère qui te supporte pas, elle te fait la misère. Grave. Hein. Ah, n'hésitez pas à venir nous raconter. Même si vous voulez qu'on appelle votre belle-mère pour vous réconcilier avec elle. On peut aussi, mais surtout venir nous raconter comment ça s'est passé avec les beaux-parents là. Souvent, parfois, ils nous aiment pas. On sait pas pourquoi. Et parfois, ça part aussi en clash. Venez tout nous dire là. Au standard 01 42 48 5000 et le tube maintenant, c'est Soprano avec En Feu sur Fun Radio Love in Fun. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller ce soir. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Sur Fun Radio en feu. Le chiffre d'Alice, le chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Chiffre d'Alice ce soir, et je pense qu'on va bien se marrer là, parce que c'est vrai que quand on parle de la belle-mère, entre autres, ouais, hein, c'est souvent drôle. Qu'est-ce qui se passe ce soir dans ton chiffre? Eh bien, 12% des gens avouent ne pas supporter du tout leur belle-mère. Donc, on s'est posé la question, quel genre de relation vous avez avec vos beaux-parents? Est-ce que vous êtes déjà embrouillés ou si au contraire tout se passe très bien? C'est vrai qu'il y a des familles particulièrement envahissantes, hein, des belles-mères très possessives, qui protègent dans le couple, non, qui protègent pas, qui sont vraiment extrêmement présentes, jalouses et envahissantes. Ah ouais, ça c'est un couple pour exister doit se séparer vraiment de ses parents, c'est essentiel. Alors j'aime autant vous dire que nous avons une pluie de réactions, à croire que c'est un phénomène qui touche tout le monde, toute la France ce soir. À commencer par Morgane, 24 ans de Cholet dans le Maine-et-Loire. Salut Morgane. Salut. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Morgane. Alors toi aussi tu as une belle-mère chiante. Oh, c'est qu'elle veut dire, oui. Ah ouais, vas-y raconte. Pendant les préparatifs de notre mariage avec mon mari, du coup, elle s'imposait énormément et a fait du chantage, son père a fait du chantage à mon mari. Quel genre? Du genre, sa sœur a un copain, ouais, où pendant les préparatifs, ça faisait un mois et demi à peu près qu'ils étaient ensemble, et son père nous a sorti que s'il n'est pas à notre mariage, ce gars-là, Eh ben, il venait pas non plus. Ah ouais, mais ça, ça m'étonne pas. Parce que c'est important, le mariage pour les parents. Oui. Il voilà. faut que toute la famille soit. Voilà, sauf que nous, ce gars-là, on connaissait pas du tout, quoi. On l'a vu, allez, deux fois dans notre vie. Ouais. Alors du coup, c'était une façon à eux de s'imposer en tant que tel, voilà. Ouais, ouais. Il s'est passé quoi alors? Vous l'avez invité ou pas invité? Bah du coup oui. Du coup on s'est un peu senti obligé quoi, donc on l'a invité. Et puis, après ça s'est passé comme ça s'est passé quoi. Et c'est-à-dire, c'est-à-dire. Vas-y. C'est-à-dire que maintenant mieux on les voit, mieux on se porte. Oui d'accord. Vous avez été fâché. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Mais en même temps, quelquefois, c'est bon de prendre des distances. Avec ses beaux-parents. Avec ses beaux-parents. Ouais. Voilà. C'est plus embêtant quand vous avez 16 ou 18 ans parce que là, ils ont encore une véritable emprise. Morgane, t'es pas la seule. Hein. Je te le dis direct. Il y a Anne-Line aussi qui est avec nous. 25 ans de Lille. Bonsoir, Anne-Line. Salut, Karel. Salut, l'équipe. Salut, Anne-Line. Donc, t'as un copain, Anne-Line? Ouais, depuis 8 ans. Et j'ai deux enfants aussi par la même occasion. À 25 ans? Eh bien, t'as bien travaillé, toi. Hein. Ouais. Maintenant, c'est bon, deux, ça suffit. Ouais, j'en veux pas plus, j'ai trop donné. Et Aline, comment ça se passe avec la belle-mère, le beau-père? Le beau-père, ça va, la belle-mère, c'est compliqué quand même. Pourquoi? Elle a jamais su me saquer. Dès le début, c'était de toute façon, ça va pas durer avec mon fils, t'es pas blonde, t'es pas féminine, enfin, des trucs comme ça. Ah oui, aimable. Et tu l'as pas envoyé sur les roses? Non, au début, j'étais pas du tout comme ça. Non, je me laisse plus faire, mais au début, je me laissais faire quand même. Qu'est-ce que tu lui dis maintenant? Ah, bah, maintenant, j'en vois chier, clairement, hein. C'est-à-dire? Ah ouais? Avant, je disais rien et je faisais style de pas entendre, tandis que maintenant, je lui réponds clairement, quoi. Quand ça me plaît pas, je dis non, et puis c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est comme ça qu'il faut réagir, hein, Doc. Bien sûr, faut s'affirmer, c'est essentiel. Ah ouais. Enfin, en fait, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un véritable respect de part et d'autre. Et je pense que le manque de respect dans ces situations familiales est en général le trait principal des difficultés. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le nouveau couple, on ne respecte pas le nouvel... Et forcément, on va s'immiscer, on va faire de la gueule, on va faire des réflexions, alors qu'en fait, voilà, ça concerne deux personnes. Parce que là, couple, elle lui dit, genre, t'es pas assez bien pour mon fils, quoi, tu vois, c'est horrible, ça, de dire ça, quoi. Ah, elle a envie de casser son fils, elle le garde. Ouais, non, mais c'est ça, où, souvent, les parents, ils imaginent des trucs pour nous, genre, ce qu'on fera dans la vie, toi, tu feras tel métier, tu seras avec ça, c'est un vrai problème. On fait ce qu'on veut, quoi, tu vois, c'est notre vie aussi. C'est bien d'être à l'écoute. Non, mais on peut conseiller, aider, mais dans une histoire de couple, c'est très compliqué. Il faut pas se mêler de ça. Céline, t'es là? T'as 20 ans, t'es à Poitiers. Salut, Céline. Salut. Salut, l'équipe. Salut, Céline. Salut. Et ça se passe comment, toi, avec ta belle-mère? C'est-à-dire que je pense que j'ai la belle-mère la plus intrusive du monde. D'accord. Ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. Oui. Et au départ, quand je dormais chez lui, c'était dormir la porte ouverte. Elle exigeait ça? Ouais. En fait, on est obligé de dormir la porte ouverte parce que le matin, au réveil, elle venait se mettre entre nous. Passe-moi ta belle-mère. Je vais l'appeler. Celle-là, je vais l'appeler. Alors, ça s'est bien passé, ma chérie? Non, mais attends, sérieux? Elle se mettait entre vous dans le lit. Je suis désolée, je vous le dis comme ça, mais c'est, c'est malsain. Après le câlin, elle se levait et elle comptait le nombre de préservatifs qu'il y avait dans la boîte pour vérifier. Ah oui, bien sûr, c'est une psychopathe, la meuf, en fait. Pour me faire comprendre que j'étais pas du tout la bienvenue, par exemple, au moment du repas, elle ne me mettait pas de chaise ou pas d'assiette. Attends, t'avais un mec, il avait quel âge, ce mec, à cet âge-là? Au début, donc du coup, il avait 18 ans. Mais il n'y a pas où il baladait sa mère? Non, en fait, c'était très, très douteux, leur relation. C'était vraiment flippant, et au début, il n'ouvrait pas les yeux. Et c'est un moment donné où il a vu que c'était vraiment pas normal, que moi j'étais pas bien, et que j'en étais au stade où je voulais même plus aller chez eux. Ah t'as une réaction saine. Voilà, et l'élément déclencheur en fait, c'est qu'à Noël, j'ai fini par lui dire oui pour aller chez lui, et en cadeau, j'ai eu des échantillons de savon. Ah bien sûr, te détestais. Hein. Tu la vois encore là maintenant? Oui, parce qu'on s'est marié récemment. Hein? Elle dort toujours dans votre lit? Ah oui. Non, quand même pas. Et en fait, au mariage, ça a été. Elle lui a fait des câlins devant tout le monde, elle me jetait des regards, mais comme si elle avait des. Genre, c'est mon homme. Tu veux que je te dise les choses telles quelles? Pour moi, c'est typiquement une relation incestueuse. Genre, elle est amoureuse. Ça veut pas dire qu'il. Non, mais. Elle couche pas, mais elle l'aime. Il y a un passage à l'acte. C'est son fils. Il y a un passage à l'acte. Et qui est vraiment une espèce de rivalité malsaine. parce qu'aller se mettre dans le lit entre les deux, genre c'est mon mec, c'est pas le tien. Ouais, c'est horrible. C'est extrêmement malsain. Est-ce que tu lui as, est-ce qu'il a compris ça, ton mari? Oui, maintenant il a compris. Sincèrement, au bout de 2 ans qu'on était ensemble, je lui ai dit que c'était pas normal et ma famille n'a pas arrêté de lui dire que c'était pas normal, qu'il fallait vraiment qu'il ouvre les yeux et voilà. Et bon, après, il s'est rendu compte que c'était vraiment flippant, en fait. Alors, est-ce que maintenant elle a arrêté? Oui. Ah bon? Okay. Oui, maintenant, il me défend un peu plus, quand même. Et... Non, mais attends. Est-ce qu'elle continue à faire des câlins, à caresser son fils? Non, maintenant, ah bon. Quand même, ça va mieux. Elle s'est bien calmée. C'est souvent avec le temps que ça s'arrange et tout, quoi. C'est incestuel. C'est pas de l'inceste. En tant que tel, j'avais pas de passage à acte, quoi que vous ne sais pas. A priori, non. Mais c'est une attitude complètement... qui a trait à l'inceste. Il faut dire des choses comme ça. On a eu que des filles qui ont réagi. On a Gwen, qui est un mec. T'es là, Gwen? Ouais. T'as 24 ans, t'es en Bretagne. C'est ça. T'as une copine? Ouais, je suis marié. D'accord. Et alors, comment ça se passe avec la mère de ta femme? Ah, mais moi, c'est pas qu'avec la mère, c'est le père avec. Ah, voilà, le combo. C'est le combo. Bravo. Alors, vas-y, comment ça se passe, ouais? Bah, en fait, ça va faire 7 ans que je suis avec ma femme. Et en fait, au début qu'on était ensemble, elle est tombée enceinte, elle était encore mineure. D'accord. Et oui. Donc, du coup, on avait décidé de garder l'enfant. Ouais. Et suite à ça, on avait décidé de vivre chez ses parents et chez mes parents le temps que je trouve un appartement. Et en fait, arrivé aux 6 mois de mon premier enfant, ils ont décidé de... En fait, on a appris qu'ils parlaient sur notre dos. On a voulu mettre les choses au clair avec eux. Ouais. Et du coup, ils nous ont mis à la porte du jour au lendemain. On s'est retrouvés à la rue. Ah putain, et hyper jeune en plus, hein, avec un enfant à gérer. Ouais, moi j'avais 20 ans à ce moment-là et ma femme avait 17 ans. Comment tu t'es débrouillé alors? J'ai appelé mes parents en catastrophe et ils ont accepté de nous héberger jusqu'à temps que j'ai mon appartement. Mmh. Et maintenant ça va? Honnêtement, non. Avec eux, non. Ils essayent de se racheter, mais ça passe pas quoi. Ouais, parce qu'une fois que l'enfant il est là, il est tout mignon. Alors, et tout, cela dit, je vais mettre un petit bémol. Il est normal qu'ils réagissent comme ça. Étant en couple avec un enfant, ils auraient dû vous aider à aménager dans votre appartement et me dire, écoutez, c'est pas sain, j'aimerais que vous habitiez dans votre propre appartement, vous aider, peut-être financièrement si vous avez les moyens, en tout cas de trouver un logement, mais pas de vous mettre à la porte comme ça, crûment. Ouais, ils vous ont carrément abandonné, quoi. Ouais. Ça a été complètement ça, et du coup, on leur parlait plus ni rien, et du jour au lendemain, en fait, ils sont revenus frapper à la porte de chez nous. Et on a décidé avec ma femme de faire un effort parce que c'est quand même les grands-parents de nos enfants. Ouais. Mmh. Donc ils ont le droit de le voir et tout ça. On va chez eux, ça nous arrive de manger chez eux. Ouais. Mais voilà, ça s'arrête là. D'accord. Ils essaient de se racheter, mais ça passe pas. Ah bah tu m'étonnes, Gwen. Franchement, tu l'as en travers de la gorge, c'est normal. Hein. Merci beaucoup, Gwen. Salut. Et merci à tout le monde. On embrasse tous ces beaux-parents dont on a parlé. Ça se trouve, il y en a peut-être. Surtout les belles-mères. Ah oui. Mais t'as vrai qu'ils écoutent, hein, franchement. C'est clair. Il y a quand même des caustiques. Ah ouais, non, ils sont déconnés. Dans l'équipe, quelqu'un a une belle-mère un peu chelou et tout. Ne levez pas tous la main en même temps. Ah, Kassim. Ouais, et du coup, je l'ai baisé. Oh là là. Elle était un peu relou, j'ai dit, allez, viens dans le coin. Merci, Kassim. Ouais. C'était sympa. Hein. On sera avec Maëva, 25 ans de Lyon, 23 ans, pardon. T'es là, Maëva? Salut, Maëva. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Maëva. On va parler d'un truc de dingue qui nous arrive parfois dans la nuit. C'est quoi, Maëva? C'est du somnambulisme. D'accord. Ah. Et tu fais du somnambulisme. Tu vas venir tout nous raconter. 01 42 48 5000. Si vous aussi, d'ailleurs, vous êtes somnambule, allez-y, hein, dites-nous tout. Et en attendant, on va écouter Feder. C'est le nouveau avec Lord Lee sur Fun Radio. C'est la Vin Fun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. My face, I tell them, don't go. We love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Uh-huh. in my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Feder et Alex Ayono, un youtubeur qui cartonne, qui fait beaucoup de covers. C'était Lord Lee sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et un petit tour du côté du net, là, avec tous vos messages sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, le Snapchat. Love in Fun Radio, Alice. Un message de Laura. Est-ce que vous avez un Snapchat? Si oui, est-ce que vous pouvez m'ajouter? Attends, on va demander à Maxence s'il connaît le nom de notre Snapchat, notre auditeur du soir. Maxence, t'es là? Oui, je suis là, toujours. Le nom du Snapchat, tu le connais? Alors, si je ne me trompe pas, c'est Love in Fun Radio. Non? Bravo, Maxence. Exactement, bravo, Maxence. Est-ce que tu regardes nos snaps de temps en temps? Oui, tout le temps. C'est drôle, hein? Les bureaux me font bien rire. Ah bah oui, on fait beaucoup de snaps pendant la journée. Souvent, c'est n'importe quoi, ouais. mais ça nous fait marrer. Il n'y a aucun sens, mais ouais, c'est ça. Merci, si vous voulez nous ajouter, Love in Fun Radio. Un autre message, Alice. Un autre message de Seb. J'aimerais bien vous appeler, mais j'ai peur de payer. Ça coûte combien? C'est gratuit, hein. C'est une grande question qui revient très souvent. Le 01, alors c'est un 01, c'est pas un 08 machin qui vous arnaque, pas du c'est tout. C'est un 01 42 48 5000, donc ouais, c'est un fixe, donc c'est inclus dans tous les forfaits en fait au prix d'une communication normale. Donc en gros, vous ne payez plus, hein, normalement, si vous avez voilà, un forfait. Et en plus. Ou la box chez vous. On vous rappelle. Et en plus, on vous rappelle quand vous êtes sur l'antenne. Et ben voilà, t'as tout dit, Alice. Bah ouais. C'est gratuit. On va accueillir Maëva. Maëva, 24 ans de Lyon. Bonsoir, Maëva. Salut. 23 ans. Ah, oh, putain. Vas-y, pas. Oh, j'ai tout foiré. Ouais, on recommence. Allez, on voilà. Accueille Maëva, 23 ans de Lyon. Bonsoir, Maëva. Bonsoir, petite fille. Bonsoir, Alice. Le Doc. Salut. Bienvenue, Maëva. Tu nous appelles pourquoi, Maëva? Ben, moi, c'est un somnambulisme. Somnambulisme, se promener en dormant. Se promener en dormant? Oui. Et on fait quoi? On fait pipi? Non, pas grand-chose. Les gestes sont lents et donc on n'est pas conscient. Il faut quand même bien comprendre qu'on ne se souvient pas. Peu importe, ça peut arriver, oui. Est-ce qu'on peut faire croire à sa meuf qu'on est somnambule et qu'on fait l'amour avec elle? Alors, justement, il y a des gens, et c'est arrivé, qui se sont soignés pour ça parce qu'ils faisaient l'amour quand ils étaient... Ah ouais, putain, c'est énorme! Qu'ils ne le savaient pas. Ils sont sexambules, en fait. Sexambules, voilà, quelque chose comme ça. Ah ouais? Donc, oui, et on ne se souvient pas. Mais on est dans son inconscient, on n'est pas en état de conscience. Maëva, tu te souviens pas que t'as été somnambule pendant la nuit, quoi? Eh ben moi, justement, voilà, cette nuit, je me suis retrouvée dans le frigo, en pleine nuit. Dans le frigo? Bah ouais, peut-être que j'avais faim. À l'intérieur du frigo, quoi? Juste à côté. Ah, juste à côté. Ah, j'ai cru qu'elle était rentrée dedans, tu sais. Carrément, quoi. J'avais un peu chaud. Et du coup, Maëva, est-ce que c'est vrai que si on... Enfin, surtout Doc, si on touche un somnambule, on essaie de le réveiller pendant qu'il non, est en... Non, il ne faut pas. Il est en parasomnie. C'est-à-dire qu'il n'est pas en état de conscience. Donc, ça va effectivement... Ça ne sert à rien. Ah ouais? Non, je pense que s'il y a vraiment un somnambule récidivant... Il faut éviter évidemment que les fenêtres soient ouvertes, les portes soient ouvertes. Un peu de précaution. Il faut éviter les choses dangereuses. Tu vois, bon, avec lesquelles tu pourrais te blesser, par exemple. Mais on a tous entendu l'histoire du gars qui est somnambule et qui sur son balcon et limite qui va enjamber le truc, quoi. Il y a peu d'accidents comme ça parce qu'il y a une espèce d'état de conscience, en tout cas inconscient. Ah, fais pas le con, Michel, hein. T'es en train de sauter, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, il faut bien dormir dans ces cas-là parce que souvent, c'est lié aussi parfois. Un défaut de sommeil. Alors, il y a des traitements qui sont proposés, mais je suis pas sûr que ce soit très bien pour essayer de limiter cela. Et surtout, ça passe souvent avec le temps. Tu l'as fait qu'une fois, c'est ça? Oui, c'est la première fois. Alors, pour ça, je me pose est-ce que c'est normal ou pas, parce que comment ça arrive, ça, Doc? À moi ou pas, j'en sais rien, c'est bizarre. Ça arrive, c'est une activité cérébrale. Ça s'appelle des parasomnies. Ça peut être aussi les gens qui hurlent dans leur sommeil et qui ne sont pas réveillés. Des terreurs nocturnes, on appelle ça. C'est une parasomnie également. une activité cérébrale intense, ouais, avec une expression comme si tu te réveillais, alors qu'en fait, le visage n'est pas expressif, les yeux ne sont pas expressifs. Alors en fait, si ce que vous pouvez faire si vous avez un somnambule, en essayant de ne pas le réveiller, c'est de le conduire à retourner dans son lit. D'accord. Sans le réveiller. Et il y a moyen de faire des vannes énormes, genre tu l'emmènes et tout, près d'un bus, tu le fais prendre un bus, le mec, il se réveille quelques kilomètres plus tard. Il y a moyen de faire des vannes sympas. Mais c'est horrible. Si. Ah, bon, je suis pas plus con comme vanne. Non, mais je sais pas, je réfléchis. Alors Alice, il sait. Attends, parce que. Il y a Kassim qui m'a écrit un truc. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Je ne déchiffre pas ce mec. Le mec écrit. Alors. Alice, il paraît que t'as été somnambule, ça y est. Alors, voilà, on me dit qu'Alice a déjà été somnambule et qu'il y a une petite anecdote. Il t'a écrit quoi, n'importe quoi. Ça va, mais j'écris bien. Il m'a dit que t'as déjà pissé dans tes escaliers. Ah oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Et en fait, j'étais chez mes parents et je me rappelle pas du tout vraiment ce qui s'est passé, mais dans ma tête, j'étais à peu près réveillée et j'avais été aux toilettes. Et en fait, il s'avère que je me suis assise en haut des escaliers chez mes parents et j'ai pissé. Donc ça fait genre une vieille cascade jusqu'en bas de la maison. C'était super particulier, quoi. Ça, à 2h du mat. Ouais. Ah, mais là, c'était plutôt. C'est peut-être pas forcément un somnambulisme. C'est parce que t'as vraiment envie de pisser, mais t'étais pas bien réveillé. Donc, ouais, je sais pas. C'était logique. Mais moi, ça m'arrive d'être somnambule quand j'ai de la fièvre. Tu sais, on divague et je pars en live. Ah ouais. Je fais des trucs chelous. Hein. Ok. Moi, il me fait flipper, franchement, Alice. Ça va, tu vas t'y faire. Oui, bien sûr. Maëva, c'est pas dangereux, mais si jamais ça continue, est-ce qu'il faut aller consulter quelqu'un, Doc ? Non, pas vraiment. Il faut essayer d'alerter l'entourage et de vérifier qu'il n'y a pas de choses dangereuses. On peut prendre des anxiolytiques ou un antidépresseur, mais je pense pas que ce soit une bonne chose, à mon avis. Bon, bah Maëva, je te souhaite une bonne nuit, là, quand même, pour tout à l'heure. J'espère que tu vas pas te réveiller dans le frigo. Il y en a qui disent qu'effectivement, qu'ils ont des relations sexuelles pendant son nuit. Je pense qu'un bon violeur peut excéder. J'y peux rien. Non, là, c'est des malades, les gars. Hein, ouais. Déconne, qui utilisent ça, justement. Maëva, on te fait des gros bisous, en tout cas. Et merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. T'inquiète pas, t'es pas toute seule. Si d'ailleurs, vous êtes vous-même somnambule, vous avez une petite anecdote à raconter, allez-y. Hein, 01 42 48 5000. On se dit tout, on se cache rien. Maintenant qu'on sait qu'Alice a fait pipi dans les escaliers, je veux dire. C'est la porte ouverte ce soir. Émilie, t'es là ? Oui, je suis là. Salut Émilie. Bonsoir Émilie, t'as 26 ans, t'es à Clermont-Ferrand toi. C'est ça. T'appelles pour un gros problème avec ton mec. Oui, en fait, il a un problème avec l'érection et l'éjaculation. Ah, et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, mon ami, dès qu'on fait un rapport, donc ça va être au préliminaire. Ouais. Il va éjaculer trop vite. Ah oui. Et après, ça va être très difficile. Il déborde, oui. D'accord. Voilà. C'est un éjaculateur précoce. Et exactement. Alors, c'est marrant parce que pas plus tard que cet après-midi, j'en ai parlé avec Godefroy Lara qui a le même problème là en ce moment. Donc, voilà. Vous avez tous les deux le même problème. Non, pas moi, Godefroy. J'ai eu et tu m'as aidé. Donc, on va aider tous les auditeurs dans un instant. Vous ne serez plus jamais éjaculateur précoce. On vous aide dans 3 minutes. Restez avec nous. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio, Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Demain au cinéma. Emmenez Fun Radio partout avec vous. Avec l'appli Fun Radio. Fun. Sur iPhone. Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Les sons Dance Floor. Together always. Love in Fun sur Fun Radio. C'est Love in Fun, merci hein, d'être avec nous. J'espère que tout va bien. Vous passez une bonne soirée à la cool, nous, dans les studios de Fun Radio. D'ailleurs, on est filmé, hein, si vous voulez mater un petit peu, là, on est en streaming chaque soir sur le site de Fun, funradio.fr. Beaucoup de réactions sur le somnambulisme. On aura un sexambule dans un instant, oui, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, c'est classique ça. C'est-à-dire que t'es somnambule, mais tu fais du sexe en même temps, quoi. Non, t'as une relation sexuelle, hein. Un état d'inconscience. Un état c'est dingue ça. Voilà, et oui. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va accueillir Émilie. Émilie, 26 ans, de Clermont-Ferrand. Bonsoir, la Clermontoise. Salut. Bonsoir, Émilie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ton mec, là? Parce que là, il fait des trucs, ça va pas, là. Eh ben, en fait, ça fait bientôt un an, en fait, que dès qu'on a un rapport sexuel. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait les préliminaires et il éjacule déjà une fois au préliminaire. Ah, avant de pénétrer. Voilà. Ouais, et après, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, bah après, ça a peine des fois à remonter. Ouais. Et dès qu'on y va, après, ouais, au bout de 4 à 5 minutes, c'est reparti, quoi. Il éjacule. D'accord, et après, c'est déjà mieux, mais en tout cas, c'est classique. Lui, il est éjaculateur précoce. 4-5 minutes? Non, avant. Ouais. C'est classique, c'est-à-dire qu'en fait, il y arrive, mais s'il recommence le lendemain, il n'y a pas d'effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'il ne réussit pas à maîtriser son plaisir. D'accord. Et c'est ça tout le travail qu'il va falloir faire, Émilie, parce que bon, il est peut-être très très sensible, peut-être très émotif, je ne sais pas. Et en tout cas, visiblement, il souffre de ça. Et toi, t'as du plaisir comment, toi, alors? Eh ben moi, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile. Voilà, c'est que quand on est prêt ouais. À le faire, il n'a pas le temps, je sais pas. Non, mais attends, j'ai bien compris, moi je te parle de ton plaisir à toi. Qu'est-ce que t'as comme plaisir? Eh ben des fois j'en mets pas parce que justement on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. D'accord, ok. Ah bah ouais. Il y a tout un travail à faire, il faut qu'il soit là pour qu'il comprenne un peu l'exercice. L'exercice, effectivement, aller sur les jeux érotiques, tenter effectivement de ne pas arriver à l'orgasme, de faire des pauses pour qu'il apprenne à se maîtriser, mais probablement qu'il est ou un peu émotif ou je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et s'il n'est pas là pour expliquer ce qu'il ressent, on ne peut pas l'aider non plus, donc il faudra appeler avec lui. Ce que je ne comprends pas, c'est justement c'est que ça va faire bientôt 10 ans que je suis avec. D'accord. Et le ça problème, c'est que ça fait qu'un an que ça arrive. Ça peut arriver, bien sûr, parce qu'il y a peut-être une perturbation dans sa vie. Des soucis. Je ne sais pas laquelle, des soucis, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt bon pronostic, ça peut revenir. La pression à la radio, mais bon, ok. Ça peut expliquer plein de choses. Voilà, Émilie. À travailler avec lui, le plaisir avant l'éjaculation. Alors, on recommence, on arrête, on recommence, on arrête. Ça peut être pire, hein. Ça peut être pire que ça. Moi, j'avais un pote, j'étais genre, c'était en quatrième. Et en fait, il y avait une nana qui avait mis sa main, tu vois, sur la jambe d'un pote. Et le pote, il avait éjaculé, quoi. Direct, juste en lui touchant la jambe, quoi. Ouais, pas mal. Ça peut arriver, ça, Doc. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la nana, genre limite, elle te fait un compliment et toi, t'es tellement à fond... Peut-être pas jusque-là, mais quasiment. Une simple stimulation et l'orgasme arrive. Ben, c'est incroyable, ça. Non, c'est un peu pénible. Ah ouais, bah j'imagine. En tout cas, il faut voir ça, hein, Émilie, hein, c'est important. Hein. Oui, hein, mais des fois, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand il éjacule, des fois, il a mal, ça lui brûle. Oui, c'est normal. Il a mal après, c'est aussi normal. Ça peut arriver quelques minutes ou quelques secondes et ça n'a rien d'extraordinaire. D'accord. Je ne pense pas qu'il y ait une cause physique, d'accord? T'es rassuré, Émilie, un petit peu? Oui, oui. Bon, et bah, continuez de travailler ensemble, là, et vous allez y arriver, c'est sûr. D'accord, il n'y a pas de souci. Gros bisous, Émilie. Salut. Je vous remercie. Salut, Émilie. On a Flo qui est avec nous, 23 ans. Bonsoir, Flo. Salut, Flo. Salut toute l'équipe. Oh, le rêve. En fait, je pensais que c'était toi le sexambule, mais pas du tout. Ah, ben non, faut pas prendre ses rêves pour les réalités. Hein. Vas-y, raconte, là, c'était quoi, là, l'histoire, alors? Bah, c'était quand j'étais au lycée, j'avais une copine, enfin ma copine en fait, et j'ai découvert un jour qu'elle était sexambule. Ah ouais. T'étais avec elle? Ouais, bah ouais, heureusement que c'était moi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? T'as sauté dessus en pleine nuit? Oh génial. Bah non, en fait, on était souvent en forêt ensemble, si je puis dire, après les cours. Ouais. Et des fois, elle s'endormait pendant que je travaillais sur mon bureau, et après, elle m'appelait en disant « Flo, viens ». Et elle me demandait de lui faire des choses. Il y avait mes parents qui étaient à côté et elle me disait que si je venais pas, elle allait crier. Ah mais attends, quand on est sexambule, attends, on parle pas. J'ai une question. Ça, oui, je pense que c'est une maline plutôt. Ah ouais, non. Non, t'as bien niqué, mon pote. Hey, Flo. Non, c'est sûr. J'ai une question à te poser. Oui. Ah, vas-y, Doc. Est-ce qu'elle se souvenait après? Non. Pas du tout. Non, bah en tout cas, elle m'en a jamais parlé. Il y a juste une fois, parce qu'au début, tu te laisses prendre au jeu. Bah, j'imagine, oui. Et après ouais. elle m'a dit qu'elle avait eu l'impression que j'avais abusé d'elle pendant qu'elle dormait, des choses comme d'accord, ça. D'accord, donc ah elle ouais. se souvient très bien. Ah ouais, non, ouais. elle t'a mitonné, mec. Là, hein. oui. Non, ah ouais, pense, Flo. Enfin, bon, après, voilà. C'était pas pour te déplaire. Je la connaissais bien, mais je pense pas qu'elle m'ait mitonné parce qu'elle l'a fait plusieurs fois et après, enfin, c'était bizarre. Après, ça me donnait plus du tout envie, quoi. Ah ouais? Pourquoi? Elle était chelou? Elle était dans quel état? Bah non, mais tu vois, quand elle demande, elle dort, après, elle vient un peu comme elle peut jusqu'au bureau, puis elle te pousse, elle comme elle peut de la meuf possédée. Non, non, mais c'est clair. Je veux faire l'amour. Ah, c'est dingue, t'es est-ce plus... qu'elle avait des orgasmes comme ça? Non. Même pas. Et du coup, Flo, comment ça s'est terminé, votre relation, là? Bah après, on était plus ensemble, mais pour d'autres raisons, mais elle a fait ça, elle est peut-être 5-6 fois, quoi, quand même. Ah ouais. Sur 2 ans et demi de relation. Ah, c'est bizarre quand même, hein, Doc. Hein. Ah ouais, oui, non, bien sûr, ça existe. Hein. Ouais, je pense pas qu'elle faisait semblant, en tout cas. Hein. D'accord. Bon, ça, en général, on n'a aucune mémoire. C'était assez chelou. Hein. Non, mais la seule chose qui me trouble, c'est qu'elle elle s'en souvienne. Voilà, c'est tout. Bah, elle s'en souvenait pas. Je pense que c'était plutôt une sensation. Elle se sentait comme si elle avait fait des choses quand elle se réveillait. C'est quand même dingue, Flo, que tu racontes ça, parce que tu sais, la fameuse nuit où on était à Ibiza, Alice est rentrée dans la chambre dans laquelle nous dormions. elle est montée sur moi, elle avait l'air. Je suis arrivée en rampant comme ça. Les yeux hagards. Elle a abusé de moi et je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, bah moi aussi. Pourquoi, parce que c'était bon? Non, je crois que j'ai rêvé de ça, en fait. C'est juste un rêve. Flo, merci en tout cas pour ton appel. Ouais, tu reviens quand tu vas sur Fun Radio. Et vous nous écoutez tous les soirs. Maxence, ça fait rêver, hein, le sexambulisme, hein, quand même. Hein. Un petit peu, ouais. Hein, Maxence, tu sais qu'il nous reste 1 minute d'émission, on va la passer avec toi. Maxence, est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais dire? T'as envie de faire un truc là sur Fun Radio? Vas-y, lâche-toi. Je sais que t'es animateur sur Fun Radio. Tu fais une petite intro ou pas? Ouais, pourquoi pas. Allez. Alors ça fait partie des exercices qu'on fait quand on est animateur. On va te faire un petit test d'intro, d'accord? Okay. Donc tu vas avoir 16 secondes pour annoncer Kungs, qu'on n'écoutera pas d'ailleurs, hein, du coup. Okay. T'es prêt? Allez, vas-y. Animateur radio sur Fun Radio, Maxence première, Kungs, This Girl, à toi. Allez, c'est parti sur Fun Radio, on est en plein cœur de plus de 40 minutes de son dance floor non-stop, et jusqu'à 16h, je balance tous les sons que vous me demandez. Avec Attends, il n'est pas 16h, il est 22h. Alors on recommence. Allez, c'est parti Maxence. C'est torture, là. Maxence, deuxième, top, c'est parti. Allez, c'est parti sur Fun Radio, jusqu'à 22h, je m'appelle Maxence, et je vous balance tous les sons que vous voulez avec le hashtag Fun Radio sur Twitter, comme Karel qui me demande le tout nouveau Kungs qu'on s'écoute tout de suite sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, c'est pas mal, mais là c'est le night show, donc tu t'es trompé, c'est pas Karel, c'est Marion et Anso. Allez, on recommence une dernière fois, Maxence, on se concentre, tu annonces le night show sur Fun Radio, top, c'est parti. Allez, c'est parti, il est 22h et là, vous allez retrouver deux bombasses à la radio, Marion et Anso qui débarquent. Ouais, attends, dis pas de conneries non plus, on recommence, sans déconner. Non. Ça va, mec. Il était bien parti. Il était super, bravo Maxence, on peut applaudir Maxence. Ouais, bravo. Bravo. Maxence, tu reviens demain, quand tu veux, sur Fun Radio. Gros bisous mon poteau. Je peux passer un petit coucou? Vas-y, bien sûr, ouais. Eh ben, je passe un coucou à Corentin et Justin de Fun Radio Belfort. Voilà. Et tu l'as dit, Maxence, les deux bombasses vont débarquer maintenant sur Fun Radio. Oui, salut les filles. Bonsoir. Salut. Ça va? Ouais. On se voit demain matin. Oui, on se voit demain matin très tôt. Vous habillez comment? Ça c'est une sacrément bonne question. Ça, je me torture l'esprit depuis 1000 ans. C'est vrai. Demain, on a la conférence de presse de Fun Radio. C'est pour ça qu'on dit ça. Moi, je sais comment je serai habillée. Ah, tu seras comment? J'aurai une robe avec un dos nu. Ah ouais. Non, oh mais, putain. Attendez, je vous le dis. Alerte bombasse. Hein. Ah ouais. On prendra plein de photos. On mettra tout ça sur le Twitter, le Facebook de l'émission dès demain matin. Et moi, allez, j'aurai une robe devant nu. Je viens. Ça, buzz, bon. Gros bisous les filles. Amusez-vous bien. Bisous. Salut. À demain. Oh non, pourquoi j'ai souri? Il va remarquer l'écart d'un mètre entre mes dents de devant. J'adore son sourire. En plus, avec l'écart entre ses dents, je vais pouvoir ranger mon vélo. Anso, arrête de te resservir. Ça fait déjà la deuxième bouteille. Oh, il va vraiment me prendre pour une alcoolo. Oh mon Dieu, mais quelle descente. Ça me rappelle mes vacances au ski. Si vous n'aimez pas le night show, quelqu'un l'aimera pour vous. Rencontrez-nous de 22h à minuit, du dimanche au jeudi, sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the night show! Marion et Anne-Sou. Le Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, bonsoir la France. J'ai même envie de te dire bonsoir le monde. C'est Marion et Anne-Sou, le Night Show. Comme chaque soir, vous nous retrouvez. On passe toutes nos soirées avec vous. Et on est en direct de 22h à minuit. Hyper content de vous retrouver comme tous les soirs. Tout à fait. Bonsoir Marion. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Je vous cache pas que hier soir on s'est fait un gros flip puisqu'on a fait une soirée paranormale et qu'on a tenté le Ouija en direct. Ouais, c'est ça. On a eu du mal à se remettre de nos émotions. C'était un truc de ouf. Alors je sais, vous êtes nombreux à nous demander la vidéo et elle arrive là dans quelques instants sur Fun. C'était compliqué en fait de tout condenser parce que ça a duré tellement longtemps. Mais voilà, je pense que le résultat va vous plaire et vous allez voir, il n'y avait pas de fake. Ah non non non. Et du coup on a eu Serge, notre médium, qui nous avait dit il faut pour conjurer le sort et éloigner l'esprit pour pas qu'ils vous suivent, il faut que vous vous retrouviez tous ensemble dans le studio, que vous alliez boire un verre, parler d'autre chose, vous laviez les mains sans les essuyer, tout ça. Donc on a fait tous ces rituels et on a bu un verre tous ensemble. Et Serge nous a dit aussi hors antenne après au téléphone qu'en fait on avait eu affaire à un esprit farceur, à un esprit malin. Pourquoi? Parce qu'en fait il nous a induit en erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lui a demandé si c'était une femme, il a dit oui. Et à un moment donné, on a dit est-ce que c'est le père de Yannick? Il a dit oui. Donc, sauf si le père de Yannick est une femme, ce qui m'étonnerait, Yannick du standard, je ne pense pas. On ne sait pas maintenant là où il est, peut-être qu'il tente des nouvelles choses aussi. Hein. C'est possible. Je préfère pas savoir. En tout cas, toute la journée, en gros, tous les gars de Fun sont venus nous voir. Mais pourquoi? Vous avez fait ça dans le studio? C'est pas possible, je me sens mal et tout. Et effectivement, on ne se sent pas super bien, mais en tout cas, on n'a rien eu aujourd'hui, tout va bien. Voilà. Ne le faites pas. Enfin, moi je vous conseille, c'est un peu facile après l'avoir fait, hein, mais moi je vous déconseille pour l'avoir fait de le faire parce que c'est hyper impressionnant. Ouais. Et en fait, on le fait sans savoir où on va et quand ça nous vient à la gueule, on sait pas gérer. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment peur. On ne savait pas gérer, ça s'est vu, ça s'est entendu, mais enfin bon, c'était un moment de radio, j'ai envie de dire. Ouais, c'était très sympa. Voilà, donc ce soir, les amis, pas de Ouija, c'est promis, mais on refera une spéciale paranormale bientôt parce que vous avez été hyper nombreux à réagir là au standard. Et puis ce soir, on reprend le cours de l'émission. On aura Anaïs notamment là qui veut récupérer son ex. Alors ça, vous êtes hyper nombreux à nous poser la question, comment faire pour récupérer un ex. On va essayer d'appeler le garçon en question à l'antenne tout à l'heure en direct pour voir s'il y a moyen de recoller les morceaux ou pas. Et puis vous l'avez pas vu, vous l'avez pas eu hier soir, ça vous a manqué, je le sais. C'est le retour du Pokélost. Ouais. Ce moment où vous cherchez, enfin vous faites croire à papa ou maman que vous êtes perdu en cherchant du Pokémon, ça les fait flipper. C'est marrant et en plus vous gagnez des billets d'avion pour Londres grâce à Vueling, sympa. J'ai l'impression qu'on aime bien se faire flipper, hein, que ce soit les gens ou nous globalement dans cette émission. En ce moment, ouais. Bon, ce soir on va écouter du son aussi, il y aura Pitbull et Florida. Excuse-moi Thibaut Alaria. On était sur un truc très sec là, non? Je crois que c'était un peu sec, effectivement. Excuse-moi, tu es bouché? Non, mais mon doigt, il a encore ripé pour la millième fois. C'est ça. Bon, justement, ceux que vous entendez avec nous tous les soirs, nos acolytes, nos garçons de l'équipe. Bonsoir, Amir des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous êtes belles, les filles, c'est ravissant. Oh là là là là. Ah, merci, t'es mignon. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous avez passé une belle journée? Bah oui, écoute. Je vous cache pas que depuis hier soir, moi, je suis un petit peu fébrile parce que... Eh bien, le Ouija m'a vraiment fait flipper. Du coup, cette nuit, j'avais un peu de mal à dormir. Moi aussi, j'ai eu du mal à m'endormir. Je suis parti sur YouTube et j'ai marqué Ouija sur YouTube, chose qu'il ne fallait absolument pas faire. Ouais. Et je suis tombé sur des vidéos et ça me fait vraiment flipper. Mais pour la petite anecdote, hier, quand je suis rentré à la maison, normalement, il y a une petite lumière qui s'allume automatiquement parce que ça détecte les personnes. Ouais. Eh bien, elle s'est allumée avant même que j'arrive. Non mais attends, l'esprit il a pas pu te suivre jusqu'à chez toi mec. Qui a parlé d'esprit? Non mais et vous savez qu'en revanche moi je me suis fait gronder par ma maman. Pourquoi? Je l'ai appelée au téléphone et elle me dit mais vous êtes fou d'avoir fait ça hier soir, on t'a écouté avec papa, n'importe quoi, faut pas jouer avec les esprits et tout. Je me suis fait défoncer. Ouais, mais ici même ce matin j'avais des réunions avec la direction, ils m'ont engueulé. Ouais, ouais, je sais. Ouais, parce qu'on l'a fait dans le studio et c'est vrai qu'il faudrait pas qu'il arrive à un truc. Et d'ailleurs hier les écrans se sont éteints, c'était un truc de ouf. Il y a des messages qui sont apparus, on a rien compris. Ça a duré 5 secondes mais Serge le médium a dit qu'en fait les premières manifestations c'était au niveau de l'électrique. Donc c'est normal, voilà. Mais l'esprit n'est plus là. On se sent bien ce soir, l'équipe, non? Ouais. Bon. Ah oui. Thibaut à l'arrêt. Bon toi t'as l'esprit de la maladresse, invisiblement. Hein, visiblement. Vu ton début d'émission, mais ça va sinon. Ça va. Je passais une bonne journée. Puis aujourd'hui, je croisais un mec avec qui je parlais et qui m'a dit cette phrase. Il m'a dit: on vit pas dans le meilleur des mondes. Ouais. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Non. Je lui ai dit: moi, si je passe mes journées avec Mario Anso, et ça pour moi c'est le meilleur des mondes. Oh là là là là. Ah ouais, voilà, il s'est rattrapé. Tous les soirs, j'adore ce moment. Mais est-ce que tu crois que tu vas avoir des phrases comme ça jusqu'à la fin de l'année, mon pote? Mais je réfléchis pas, je te le dis, ça vient comme ça, je vous vois et puis je vous raconte. Bon. D'accord, n'en fais pas trop quand même. Bonsoir Enzo du Standard. Salut tout le monde. Ça va Bichon? Ouais, super, je reviens du resto avec Yannick. On a mangé chinois, c'était parfait. Mais c'est super ça, ouais. Tiens, c'est pour toi. Ah. Il démarre une émission à 22h en disant ça. Quoi. Bah ouais. Non, parce que ça intéresse les gens de savoir. Ah non. À qui? Pas du tout, mon pote. Bah, je sais que voilà, par exemple, là, on va prendre un tweet. Il y a Fabrice qui me dit super anecdote, Enzo continue. Il y a Fredo FMTV qui dit t'es au top, continue mon pote. Voilà. C'est trop con, mon gars. C'est du vrai. Tu sais quoi, retourne au standard 01 42 48 5000 pour joindre Enzo et Yannick. Là, ils sont hyper sympas, ils font des vannes et tout. Et je sais qu'il y a le foot à la télé ce soir, mais vous inquiétez pas, comme d'hab, on fera des petits points foot France-Biélorussie. 0-0. D'ailleurs, on vous a mis une vidéo de nous en train de jouer au foot dans les couleurs de Fun. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. Marion et Anso. Alors Enzo, présente-nous le premier auditeur de la soirée. Alors c'est Cécile, elle a 23 ans, elle habite à Vannes et elle a vu la vidéo. Enfin, elle a pas vu la vidéo, mais elle a entendu ce qu'on avait fait hier et du coup elle a flippé de ouf. D'accord. Bonsoir Cécile. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir à toute l'équipe. Ça va? Ça va être bien. Enfin, ça va. Bon alors, tu nous as écouté hier? Oui, ce matin, oui. Et donc? Bah au début, j'étais sceptique, j'y croyais pas trop. Et en fait, en vous écoutant, vous m'avez fait peur. Ouais. Du coup, j'ai eu un peu de mal à m'endormir et du coup, ça me donne très très envie de voir la vidéo. Bah, en fait, c'est vrai que vous allez voir. Après, vous pouvez toujours dire ça de la comédie et tout, mais sincèrement, moi et Yannick, on a pleuré déjà. Parce qu'à un moment donné, c'était trop, quoi. Moi, quand j'ai cru que c'était le papa d'Yannick, je pouvais pas, quoi. C'était trop. Je le voyais pleurer. J'étais là, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on va? Ça faisait de la peine. Ouais. Et puis Marion, elle avait mal à la main après. Ouais, j'avais de l'énergie bizarre. Mais après, je sais, on peut se faire facilement des films et tout. Mais sincèrement, c'était quand même hyper troublant. Ouais. Donc, voilà. Désolée si on t'a fait peur. Hein. Non, mais c'est la bonne peur. Je pense qu'il faut tout voir dans sa vie. C'est un peu comme quand tu vas à Disney, tu fais la tour de la terreur, t'as peur, puis t'es content d'avoir eu peur. C'est pas tout à fait pareil. Non. Parce qu'il n'y a pas d'esprit dans la tour de la terreur. On n'est pas sur une notion de mort et tout, quoi. Hein. Non, mais bon, j'essaie de trouver comme je peux. Bon, Bichette, est-ce que du coup, ça t'a donné envie de le faire ou pas du tout? Non, pas vraiment. Et bah, t'as raison. J'attends la vidéo. Je préfère me voir. Et bah, tu nous diras ce que t'en as pensé. N'hésite pas à la partager et tout. Mais moi, je te déconseille de le faire aussi. À mon avis, faut pas jouer avec ça. Je pense qu'on le refera pas. On devait le faire mercredi avec des auditeurs, mais sincèrement, ça nous a un peu sevré, quoi. Moi, j'ai pas envie de le refaire là. Moi non plus. C'est trop tôt. Je suis pas encore prête. Il faut me laisser du temps. C'est comme après une rupture, quoi. Voilà. Donc, laissez-nous faire le deuil, tout ça. Et on verra plus tard dans l'année si on le refait. Cécile, on t'embrasse, ma chérie. On compte sur toi pour commenter la vidéo. Moi aussi, bisous, bonne soirée. Bisous Cécile. Bisous. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, nous aurons Manon. Alors Manon, il lui arrive un truc. Déjà, elle appelle de Grenoble. Et c'est atypique. T'es con. Mais alors surtout, Manon, elle a reçu un texto, mais hyper gênant. Oui. De la part d'un de ses collègues. Je vous dis pas encore de quoi il s'agit. Restez là, on va découvrir ça dans un instant. C'est juste après Ken Jones sur Fun Radio. Hola. Hola, na. You tell him.